Ce soir, nous allons parler d'horloges. Pas de la pendule du salon qui dit oui, qui dit non, mais des rythmes astronomiques et des horloges internes dont disposent tous les organismes ou presque pour se repérer dans le temps. Et de comment tout cela se synchronise. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2013 et vous êtes partis pour un voyage dans le temps. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 154. Au sommaire de cette émission, on formule deux dossiers pour le prix d'un. D'abord, la spectaculaire histoire des rythmes dans le vivant par notre ami Pierre Kerner, créateur et auteur principal de SAFT, l'un des plus formidables blogs de tous les temps. Puis on se demandera avec Alan en quoi ces rythmes nous impactent, nous aussi, nous autres humains, et comment faire pour les vivre au mieux. Nous entendrons une quote. Un rapide retour sur le quiz de la semaine dernière, comme d'habitude. Un ou deux plugs vite fait. Et les dessins de Nico que vous pourrez voir tomber en direct sur live.podcastscience.fm si vous nous suivez en direct, justement, ou que vous pourrez retrouver après coup dans les notes de l'émission. Autour de notre plateau imaginaire, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Kerner, alias Topo, qui se trouve à Paris. Salut Pierre, bienvenue. Salut tout le monde. On a Nico à Paris aussi. Salut Nico. Salut. À Limerick, on retrouve David, bien sûr. Oyo. Et histoire de faire un petit peu exotique, hors de l'Union Européenne, en Suisse, moi, Alan, à Lausanne. Alors, pourquoi ce dossier à deux voix ? Il y a quelques semaines, je me trouvais à Paris, et au détour d'une pizza, Pierre m'a demandé quels seraient nos prochains dossiers. Et quand dans ma longue énumération, je suis arrivé à l'émission d'aujourd'hui, j'ai vu l'œil de Pierre s'allumer aux mots-clés circadiens. J'ai plein de trucs, m'a-t-il dit, je peux t'aider. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé, le pauvre, à contrarier sa propre horloge biologique pour être prêt ce soir avec un dossier béton. Et du coup, moi, j'ai eu nettement moins de boulot. Boulot que je n'aurais sans doute pas fait aussi bien. On va donc parler d'abord des rythmes biologiques dans le vivant en général, avec Pierre, et chez l'humain en particulier, avec moi, après ça. Musicien vous le dira, effet de rythme, que ce soit les pulsions, les mouvements relatifs des astres, les dégradations nucléaires des isotopes ou encore les rotations abstraites qu'effectuent les particules, l'univers semble générer des rythmes dès qu'il peut. Et le vivant n'échappe pas à la règle. Les cellules se divisent périodiquement, les organes fonctionnent périodiquement et même la reproduction à ces périodes. Tout bon musicien vous confiera aussi qu'un bon orchestre joue au même rythme. La clé, c'est que les musiciens suivent les instructions pour se mettre au même tempo. Mais comment ça marche pour le vivant ? Est-ce que nos rythmes sont menés par un chef d'orchestre ? Comment nous synchronisons-nous ? Alors avant de nous pencher sur les rythmes du vivant, demandons-nous quels sont les rythmes qui sont les plus susceptibles d'influencer les organismes. Alors sachant que la source d'énergie la plus abondante et quasi inépuisable de notre planète, c'est la lumière du soleil, hein, c'est pas le pétrole, eh bien on comprend qu'il s'agisse d'un facteur environnemental ultra important pour les êtres vivants. Or, le phénomène rythmique qui est le plus évident sur notre planète, c'est l'alternance de lumière. Pas étonnant que ça en fascine certains. Jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Alors, en déplaise à Jacouille, l'alternance jour-nuit n'est pas le fait d'un interrupteur céleste. Le fait est que notre planète tourne sur elle-même et que sa période de rotation, alors attention, tenez-vous bien, dure, grosso modo, un jour. Bon, si on veut être un peu plus précis, 86 400 secondes. Durant cette période, un point du globe est successivement exposé à la lumière du soleil, puis aux ténèbres insondables qui se trouvent à l'opposé. L'alternance jour-nuit constitue donc un rythme géophysique qu'on appelle le rythme nyctéméral quand on a été bien élevé. Alors, nyctéméral, ça vient du grec nyctéméron, mot composé à partir de nux, nuctos, nuit, et Emera, jour. Donc, si vous voulez avoir la classe, au lieu de parler d'un jour, parlez d'un nyctémère, ça fait plus chic. Alors par contre, il faut articuler bien et éviter cette expression en face de personnages hostiles, car ça peut prêter à confusion. Bref, trêve de considérations astronomiques et étymologiques, vous comprenez maintenant qu'il existe des rythmes lumineux géophysiques pouvant influencer les organismes vivants. L'aspect le plus important de ces rythmes, c'est qu'ils sont hautement prévisibles. Tellement prévisible qu'on est capable de savoir à quelle heure s'est levé le soleil il y a 2000 ans et de construire des éphémérides pour les siècles à venir. Ces fluctuations lumineuses annoncent, en plus, des fluctuations climatiques dans certaines régions du globe. Alors, les organes moyens d'anticiper ces fluctuations ont un avantage non négligeable pour survivre et on peut facilement s'imaginer qu'au cours de l'évolution, nombreuses sont les lignées qui ont acquis des systèmes permettant de prédire ces rythmes. Mais bon, c'est bien beau d'imaginer ce qu'on peut faire l'évolution, c'est une autre paire de manches que de véritablement identifier les rythmes du vivant qui sont à l'écoute des rythmes astronomiques. Pour se faciliter la tâche, les premiers scientifiques à s'intéresser au sujet ont tenté de chercher les rythmes qui correspondent grosso modo au rythme solaire, dont la période dure environ 24 heures. Donc exit les pulsations du cœur, le nombre de fois qu'on fait pipi dans la journée, qu'on cligne des yeux, etc. Si on s'intéresse aux fluctuations nyctémérales, ce qu'on cherche, ce sont des biorhythmes circadiens, c'est-à-dire d'environ un jour. Circadien, ça vient du latin circa, environ, et diem, jour. Et si on s'intéresse maintenant aux fluctuations saisonnières, on se mettra à la chasse des biorhythmes circannuels, mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne parlera pas de ces variations saisonnières. Les premières observations de biorhythmes circadiens remontent à l'Antiquité. Par exemple, le philosophe grec Théophraste rapporte dans son Histoire des plantes qu'Androsthène de Thasos, capitaine d'un navire sous Alexandre le Grand, avait observé sur l'île de Tylos, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bahreïn, il avait observé un arbre dont les indigènes disaient qu'il dormait. Bon, il s'avérera qu'il s'agit du tamarinier, dont les feuilles se ferment en effet chaque nuit et s'ouvrent chaque matin. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les mouvements de ce tamarinier, vous pouvez aller le voir sur mon blog et sur Podcast Science. Dans les notes, il y a un film justement en time-lapse qui permet de voir ces mouvements. Alors, ce genre de mouvement qu'effectuent les plantes en fonction du soleil s'appelle l'héliotropisme, du grec ancien hélios, soleil, et tropos, direction. On peut aussi parler de phototropisme, du grec ancien photos, lumière, et tropos, qui veut toujours dire la même chose. Bien sûr, il n'y a pas que le tamarinier qui soit capable d'héliotropisme, on pense tous spontanément au tournesol, ou à une plante qui s'appelle l'héliotrope, qui porte bien son nom, chez qui le nom même de l'espèce donc correspond au phénomène. Mais en fait, il y a un nombre incalculable de plantes à fleurs chez qui les pétales s'ouvrent et se ferment en fonction de la lumière. D'ailleurs, toutes ne s'ouvrent pas au même moment, ce qui a donné l'idée à Carl von Linné, en 1751, de concevoir une horloge florale. Le célèbre naturaliste suédois avait en effet noté que les plantes à fleurs pouvaient être liées entre trois groupes, en fonction de leur comportement. Il a créé un premier groupe avec les plantes qu'il a appelées météoriques, dont les fleurs s'ouvrent et se referment en fonction des conditions climatiques. Il pleut, elles sont fermées. Il ne pleut pas, elles sont ouvertes, ou vice-versa. Les plantes tropiques qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la longueur du jour. Et enfin, celles qui nous intéressent aujourd'hui, les équinoxiales, qui s'ouvrent à heure fixe de la journée, quelle que soit la saison, et sans tenir compte des conditions météorologiques. Donc sans avoir jamais pris le temps de planter son invention, il avait trop de choses à faire, Carl von Linné avait tout de même réalisé de nombreuses observations permettant théoriquement de construire une horloge florale dont les cadrans seraient constitués de diverses plantes dont les fleurs s'ouvriraient à des périodes différentes de la journée. Une horloge très poétique, en somme. Genre, tu saurais l'heure qu'il est en fonction des fleurs qui sont ouvertes, c'est ça? Oui, grosso modo, un peu comme finalement les cadrans solaires, où c'est un petit peu à la cuillère, quoi. C'est pas extrêmement précis, mais à 2 heures près, oui, tu peux savoir à peu près quelle heure il est. Ouais. Sympa. Et ça a d'ailleurs été planté dans certains jardins, dont certaines horloges florales à l'effigie de Carl von Linné, en sa mémoire. Mais cette expérience peut nous laisser quand même perplexes quand même, parce que ces plantes, on peut se demander comment elles font pour savoir l'heure de la journée si elles ne se laissent ni influencer par la météo, ni par la longueur d'exposition au soleil. C'est comme si, en fait, la plante, elle possédait un système interne permettant de lui indiquer l'heure du jour. Un mécanisme endogène, c'est-à-dire à l'intérieur, interne. Le premier à avoir jamais cherché à caractériser ce mécanisme endogène, ce n'est pas un biologiste, c'est un astronome français, Jean-Jacques Dortoux de Méran, qui en 1729 a pris des plants de Mimosa pudica, c'est des plants d'une espèce de mimosa. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, on peut voir des vidéos où lorsqu'on les touche, les feuilles de ces plants, elles se referment. Et elles sont aussi capables de phototropisme, c'est-à-dire que les feuilles se referment et s'ouvrent en fonction des variations de la lumière. Coup, ce qu'il a fait Jean-Jacques Dortoux de Méran, c'est qu'il les a, un peu comme un Jacques Dutroux botanique, il les a enfermés dans sa cave. Donc de Méran a alors observé que le comportement des feuilles de la plante, s'ouvrant le matin et se refermant le soir, continuait même lorsqu'il les avait plongés dans l'obscurité totale. Donc c'est assez étrange. Bon, vu que de Méran était astronome et qu'il avait d'autres chats à fouetter cette année, qui était quand même riche en événements astronomiques, on a très peu de détails sur le protocole qu'il a réalisé. Et d'ailleurs, il a confié le rapport de son protocole à l'Académie royale des sciences à son ami Jean Marchand, qui a dû dire ce qu'avait fait cet astronome. Alors heureusement, de nombreux botanistes au nom improbable ont reproduit l'expérience. On peut nous citer Johann Gottfried Zinn, Henri-Louis Duhamel du Monceau et mon préféré, Alphonse-Louis-Pierre Pyram de Candolle. Donc ces botanistes, ont reproduit l'expérience avec des protocoles très rigoureux, à température et humidité constante, sans possibilité de fuite de lumière, et ils ont confirmé le résultat de Méran. Donc, on peut quand même rendre à l'astronomie et à la marine ce qui leur revient, sans Androsten de Thasos et Jean-Jacques Dortoux de Méran, nous n'aurions pas eu de chronobiologie de sitôt. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que la chronobiologie. Eh bien, c'est la discipline scientifique étudiant l'organisation temporelle des êtres vivants. Alors, les premières expériences de chronobiologie se penchaient donc sur les rythmes endogènes des plantes, sans influence externe, tout ce qui pourrait leur donner une notion de temps. En chronobiologie, on appelle ces protocoles des expériences de libre cours, où l'on place une plante en obscurité ou en lumière constante. Alors, au-delà de l'existence d'un rythme endogène, ce qui a surpris ces premiers chronobiologistes, c'est que ces rythmes n'étaient pas avec une période exactement égale à 24 heures. C'était véritablement des rythmes qu'on peut dire circadiens, environ 24 heures. C'est 24 heures et des poussières dans l'obscurité pour Mimosa pudica, et encore plus surprenant, 25,5 heures en luminosité constante. Alors au début, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il s'agissait là d'une spécificité des plantes, que cette horloge interne, finalement, ça n'existait pas ailleurs. Mais la curiosité scientifique prend souvent le pas, et des chercheurs ont voulu savoir si l'on pouvait mettre en évidence de tels rythmes endogènes chez d'autres organismes. Alors le hic, c'est que autant dans l'obscurité, venir observer à intervalles réguliers avec une petite bougie l'activité d'une plante, c'est une chose aisée, autant enregistrer l'activité d'un animal, c'est un poil plus complexe. Si complexe qu'il faudra attendre le XXe siècle pour que de véritables études de chronobiologie soient menées sur des rats à l'aide d'une invention particulièrement ingénieuse, la roue actographique. Alors le nom de l'invention est bien plus complexe que ce dont il s'agit réellement. En fait, c'est simplement une roue pour rongeur, celle qu'on utilise pour qu'il s'entraîne, pour qu'il court un tout petit peu. Et cette roue est reliée à un stylet placé sur un rouleau de papier qui se déroule à rythme fixe. Le stylet s'agite dès que la roue fait un tour et marque le papier de petits zigouigouis d'encre. Si je n'ai même pas prononcé zigouigouis, ça ne va pas aller loin. Alors, c'est finalement exactement le même système que les anciens cardiographes ou sismographes, sauf que les vibrations sont générées ici par les tours que la roue effectue, à chaque fois que le rongeur l'utilise. Alors bon, bien sûr, il faut que le rongeur ait envie d'utiliser la roue. Mais en fait, c'est très très très souvent le cas. Je ne sais pas si dans la chat room il y a des gens qui ont des rongeurs, mais généralement ils aiment bien utiliser leur roue. Et on peut donc corréler facilement l'activité motrice de l'animal avec les tours de roue. La roue ne s'arrête donc que quand l'animal va manger, faire ses besoins ou dormir. Enfin, espérons. Et ces arrêts sont visualisables graphiquement dans ce qu'on appelle un actogramme. C'est le résultat de l'enregistrement de l'actographe. quand le rongeur est actif, bah, y a plein de petits traits. Et du coup, comme le papier se déroule, ces petits traits forment une sorte de bande continue noire, interrompue de temps en temps par des pauses, pour aller boire, pour aller faire son petit pipi, etc. Et ces pauses, elles sont représentées par des bouts de ligne droite, où le stylet va tout droit, sans perturbation, sur le papier. Quand le rongeur pionce, on voit une longue ligne droite, à peine interrompu. La roue ne va pas bouger alors qu'il dort. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on place notre animal d'intérêt dans ce dispositif expérimental, dans des conditions d'illumination particulières. On peut, par exemple, les mettre dans des conditions d'illumination standard, genre 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité, et là, on va s'apercevoir que l'activité de l'animal suit, grosso modo, le régime lumineux, c'est-à-dire 12 heures d'activité et 12 heures de dodo, et pas d'activité. Par contre, juste pour décrire, donc quand il y a la lumière, le stylet s'agite. Quand il y a extinction des feux, c'est fini le tourné-manège. C'est donc un protocole expérimental pour vérifier si ces espèces possèdent des rythmes endogènes influençant leur activité locomotrice. Donc pour tester nos cobayes, il suffit de jouer les gros bâtards et de les placer en situation de libre cours, c'est-à-dire en lumière ou obscurité constante. C'est comme cela qu'on s'est aperçu que ces rythmes d'activité suivaient bel et bien une périodicité d'environ un jour. Encore une fois, une périodicité d'environ un jour, on parle d'un rythme circadien. Donc chez les rats, l'étude date de 1922 et a mis en évidence une période d'activité circadienne de 24 heures et 12 minutes en obscurité permanente. Donc sur l'actogramme de ces rats, on voit que ce petit décalage de 12 minutes va entraîner, au bout d'un certain temps, un décalage complet de la bestiole par rapport au véritable rythme nyctéméral, celui qui existe sur notre planète. Du coup, au bout d'un moment, le décalage est important et le rat qui normalement est diurne, actif pendant la journée, va devenir actif quelques semaines plus tard, uniquement pendant la nuit. Et puis, ça continue à se décaler tout le temps. Donc, certainement jaloux de pouvoir torturer de pauvres bêtes, d'autres équipes de chercheurs ont mis en évidence ces périodicités circadiennes d'activité chez plein d'autres bestioles, chez des écureuils volants, des visons, des cailles, etc. Et Alan nous parlera aussi d'un cas d'expérimentation humaine, parce qu'il faut quand même rétablir la balance karmique. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ces études ont permis cependant de révéler que ces périodicités n'étaient pas systématiquement identiques et pouvaient, encore une fois, varier selon les conditions de libre cours, obscurité ou lumière constante. Elles pouvaient varier selon les espèces et même selon les individus. Cependant, la période était toujours proche de 24 heures. Du coup, le caractère endogène de ces rythmes circadiens semblait particulièrement bien prouvé. La sortie des expériences en libre cours donnait aussi une information particulièrement intéressante aux chercheurs. C'est-à-dire que quand on rétablit un régime lumineux normal, et qu'on les sort de l'obscurité constante ou de la lumière constante, les animaux retrouvent progressivement un rythme calqué sur le régime lumineux imposé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles se recalent. On peut aussi établir des résultats similaires, mais de moindre importance, en imposant des variations de température, des variations des intervalles d'accès à la nourriture et des variations d'humidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la luminosité qui donne une information à l'animal permettant de se recaler. Les chercheurs, les chronobiologistes qui ont découvert ce phénomène, ont imaginé que chez la plupart des organismes vivants, il y a des rythmes endogènes approximativement égaux à 24 heures, et ceux-ci sont ramenés à la véritable rythmicité géophysique via des facteurs environnementaux. Et ces chronobiologistes ont appelé ces facteurs des synchroniseurs, ou, puisque la plupart étaient allemands et visiblement ça faisait chic de leur donner un nom allemand, des Zeitgeber. J'espère que vous appréciez. C'est sympa, très chic. Mon accent germanique. 7 ans d'apprentissage au lycée, donc voilà, ouais, collège et lycée. Les synchroniseurs, ou Zeitgeber, agissent donc en entraînant le rythme endogène vers un rythme nyctéméral. La bouffe, la lumière, la température, l'humidité sont des Zeitgeber. Et pour faire poétique, on peut dire pas de nyctémère sans lumière. Donc, pour formaliser un tout petit peu ces différentes découvertes, un modèle théorique fut bâti. Celui de l'oscillateur central. C'est-à-dire qu'avec toutes ces informations, il y a des chronobiologistes qui ont voulu savoir un tout petit peu comment bâtir un modèle pour expliquer tous ces phénomènes de rythme circadien et de rythme ramené au rythme nyctéméral chez les animaux ou chez les plantes. Dans ce modèle, le rythme endogène d'un organisme est dicté par un oscillateur central autonome. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, et de manière peut-être différente, on a un oscillateur, une sorte d'horloge à l'intérieur de notre corps qui bat à un rythme, le rythme de l'organisme, le rythme endogène. La période de ces oscillations est approximativement égale à 24 heures, pour justement entraîner des rythmes circadiens. Mais ces oscillations peuvent être influencées par des Zeitgeber externes, lumière, température, humidité, etc. Ceci entraîne l'oscillateur central pour coller aux variations géophysiques. On peut dire qu'elle les recale. L'oscillateur central permet d'influencer diverses fonctions physiologiques via des oscillateurs secondaires. On peut aussi parler d'oscillateurs esclaves. Donc si ce n'est pas très clair, là encore, il y a un schéma qui permet de récapituler ce modèle sur mon blog ou sur les notes du dossier sur Podcast Science. Donc, quand l'oscillateur central est entraîné, les rythmes physiologiques collent aux conditions externes. Mais quand l'organisme se trouve en libre course, qui au final arrive peu souvent dans la nature, eh bien les rythmes se mettent à suivre les oscillations non perturbées de l'oscillateur central, avec une période différente de 24 heures, proche mais différente généralement. Donc ça, c'était le modèle prédictif qu'avaient réalisé les chronobiologistes, et l'un d'entre eux, Colin Pittenry, a lui-même compilé en 1960 une liste de 16 observations empiriques concernant les rythmes circadiens, dont je vais vous donner un petit échantillon, et qui permettait véritablement d'essayer de tester chacun de ces observations pour voir si elles fonctionnaient comme des véritables règles de la nature. Donc ces règles, c'est que les rythmes circadiens ont une période approchant le rythme nyctéméral de la rotation de la Terre. Ça, pour l'instant, pour les quelques exemples que je vous ai donnés, ça s'est vérifié. Les rythmes circadiens sont ubiquitaires dans le vivant. Bah, ça, c'était quand même assez audacieux de le dire, mais pour l'instant, c'est vérifié aussi. Ubiquitaire, ça veut dire partout dans le vivant. Exactement, c'est-à-dire que chaque organisme possède des rythmes endogènes circadiens. Il n'y a aucune exception jusqu'à maintenant. Pas que je sache. Okay. J'aime pas quand on pose ça. Cette question, parce que généralement, le vivant, c'est fait que d'exceptions. Mais pour l'instant, non. En effet, il y a toujours des rythmes circadiens qui ont été trouvés chez les organismes vivants. Okay. Les rythmes circadiens sont endogènes, autonomes et innés. Les rythmes circadiens, bien que sensibles à la température, n'y varient pas de manière linéaire. On dit qu'il y a compensation thermique. Alors ça veut dire que, en fait, généralement, on a des processus physiologiques qui varient en fonction de la température. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi bien capable de digérer à, je sais pas, moins 10 degrés dehors, alors qu'on est très très bien capable de le faire à 40 degrés. En fait, tous ces processus, des processus finalement chimiques, augmentent d'efficacité avec la température. Généralement, c'est ce qui se passe. Les rythmes circadiens, il y a une petite influence de la température, mais jamais d'un facteur 2 ou 3. C'est-à-dire que le rythme garde toujours progressivement, colle à cette rythmicité de 24 heures. Si tu augmentes la température, peut-être que ça va décaler de quelques minutes, mais ça ne va pas multiplier par 2 ou diviser par 2 la période du rythme circadien. Ok. Et enfin, comme je venais de vous le décrire, les rythmes circadiens sont entraînés par des Zeitgeber environnementaux. Donc, c'est une liste particulièrement intéressante parce qu'elle est pour l'instant à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que de nombreux chercheurs s'échinent à briser l'une ou l'autre règle empirique, mais pour l'instant, sans succès. Donc, à partir de la découverte des rythmes endogènes et des concepts de synchroniseurs, les recherches en chronobiologie animale sont parties dans différentes directions. Certains physiologistes voulaient par exemple découvrir où se trouvait ce fameux oscillateur central. Quel était l'organe qui était l'oscillateur central chez ces organismes? Le protocole est on ne peut plus simple hein, chez ces physiologistes. Tu bousilles un organe et tu vois si le cycle est maintenu en libre cours. Si tu peux, en plus, après lésion, greffer un organe provenant d'un animal sain et observer si le rythme varie, c'est bonnard. Alors, excuse-moi, Alan, tu voulais intervenir? Non, c'était juste pour commenter la méthode. Donc on enlève les organes les uns après les autres et puis on regarde quand ça réagit, c'est ça? Oui, voilà. Bon, c'est très... Ça ne marche pas systématiquement. Bah, par exemple, si tu essaies de voir si le rat va avoir une activité locomotrice et que tu lui coupes les pattes, ça ne va pas marcher. Bon, ça, c'est forcément. Donc il faut aussi utiliser des contrôles, etc. Mais généralement, finalement, ça ressemble un tout petit peu à ce genre d'études. Okay. Donc c'est une caricature, mais il y a énormément de grandes variétés de protocoles qui sont mis en place pour mettre en évidence ces organes. Et ces organes, on les appellera les organes ou systèmes pacemaker, c'est le nom que les physiologistes leur ont donné. Ce qui signifie d'ailleurs en anglais « faiseur d'allure », c'est une émission extrêmement étymologique aujourd'hui, et non ce que j'ai cru étant petit « faiseur de paix ». Moi j'entendais « peacemaker », certainement parce que les Français le prononcent de manière absolument atroce, donc c'est « pacemaker », et même si « faiseur de paix », moi je trouvais que ça avait un sens d'un point de vue médical, puisque ça permettait d'apaiser les gens qui n'avaient pas de cœur solide. Oh, bref, joli. Parenthèse... de l'enfance fermée. Voilà, donc si vous réalisez chez un moineau une ablation d'une petite glande du cerveau qui se nomme la glande pinéale, on peut l'appeler aussi de nos jours l'épiphyse, si vous faites cette ablation et que vous placez le piaf dans des conditions de libre cours, donc je vous rappelle, soit en obscurité permanente, soit en lumière permanente, eh bien ce qu'on va observer, c'est que son activité locomotrice devient totalement arythmique. Ça veut dire qu'on est incapable de retrouver une période d'activité claire comme on peut en observer chez un moineau normal. En gros, il fait n'importe quoi, se couche à pas d'heure. Si ça vous rappelle certains comportements des adolescents, c'est normal. Bref, chez les mammifères, l'organe qui lésé entraîne l'arythmie porte un nom à coucher dehors, ce sont les noyaux suprachiasmatiques. On va les appeler les NSC, et ce sont en fait deux petites boules de 10 000 neurones, chacune située dans l'hypothalamus, de part et d'autre, dans chacun des hémisphères du cerveau. Et cette fois-ci, si vous chopez un hamster, que vous réalisez une ablation de ces NSC, et en obscurité ou lumière constante, eh bien le hamster fera rouler sa roue n'importe quand. Encore mieux, maintenant, vous chopez un deuxième hamster, un fœtus, hein, c'est plus pratique, vous prélevez ces NSC, et vous les greffez à celui à qui vous venez de les ôter. Et alors là, comme par magie, le hamster greffé retrouve un rythme endogène. Mais encore plus magique, ce rythme endogène, eh bien, il correspond à celui qui était exercé chez le donneur et non chez le receveur. Comme si l'organe imprégnait son propre rythme, comme s'il était... Finalement, c'était une belle preuve que cet organe agissait comme un oscillateur central chez le hamster. Alors, chez d'autres bestioles, les pacemakers ont été trouvés, par exemple, dans les lobes optiques des insectes, c'est-à-dire c'est les parties qui sont dédiées à la vue dans le cerveau des insectes. On les a aussi trouvés carrément dans les yeux des mollusques. Et pour ces organismes-là, en fait, le fait que ces structures soient composées de cellules photoréceptrices, c'est-à-dire sensibles à la lumière, bah, ça semblait idéal pour réguler le rythme endogène. On avait à la fois l'oscillateur central et à la fois la sensibilité au Zeitgeber. Du coup, des chercheurs se sont demandé comment les pacemakers des vertébrés, ceux que je vous ai décrits avant, la caille ou le hamster, eh bien, comment ces oscillateurs centraux, ils étaient connectés avec des structures photoréceptrices. Alors c'est là que l'histoire devient franchement chelou pour l'histoire évolutive des vertébrés, parce qu'on a trouvé des photorécepteurs dans la plupart de ces structures qui sont parfois logées bien profondément dans le cerveau. Donc des cellules sensibles à la lumière en plein milieu du cerveau. C'est un peu bizarre quand même. Prenez la glande pinéale par exemple. Non seulement elle est bardée de cellules photoréceptrices chez presque tous les vertébrés, sauf chez les mammifères pour l'instant, en tout cas à ce qu'on sache, mais chez la plupart des espèces de vertébrés, on la trouve aussi associée avec un organe entier photorécepteur. Et chez la plupart des poissons et chez les lamproies, on parle d'organe parapinéal. Chez les amphibiens, on parle d'organe frontal. Et chez la plupart des lézards, on cause d'organe pariétal. Mais quand je dis organe photorécepteur, je ne vous parle pas des yeux, hein. Je vous parle d'un autre organe photorécepteur connecté à la glande pinéale. Il faut carrément comprendre de capter l'air à des neurones qui vont relayer le message au reste du cerveau. Alors moi, quand j'entends cette description, bah, ça me fait penser à un œil. Bah, en fait, c'est exactement ça. En fait. La plupart de ces animaux possèdent un troisième œil, donc des vertébrés avec un troisième œil. Alors certes, dans la majorité des cas, il n'a pas véritablement la tronche d'un véritable œil, notamment parce qu'il s'agit d'une structure qui régresse au cours du développement. Du coup, on ne voit jamais visiblement ce que ça va donner à la fin, à l'âge adulte. Mais si vous prenez un lézard, sphénodoncien, le Tuatara, par exemple, c'est un sphénodon qui appartient à ce groupe-là, la ressemblance entre ces structures et un œil, est assez frappante. L'organe pariétal, ou devrais-je dire l'œil pariétal, possède un cristallin, une cornée, une rétine à photorécepteurs, avec ces photorécepteurs étant des photorécepteurs de type bâtonnet. Bref, c'est un œil en haut du crâne, et puis voilà quoi. En plus, il y a un trou dans le crâne justement pour l'accueillir. Cet œil, ça ressemble vraiment à un œil en plein milieu de la tête. Alors, vu que... Oui ? Non, c'est fou, quoi. Je m'émerveillais de ce que tu es en train de dire. Donc, ils ont littéralement un troisième œil. Voilà, c'est ça. Génial. Ça doit certainement avoir plusieurs fonctions, en plus de pouvoir peut-être informer la glande pinéale des variations de lumière. Peut-être que ça a des informations... Je sais pas, peut-être qu'il y a une image qui se forme. En fait, on sait pas grand-chose sur cette structure chez les sphénodons. Mais vu que cette structure semble partagée largement parmi les lignées des vertébrés et qu'on retrouve l'orbite, c'est-à-dire un trou d'un troisième œil dans la plupart des crânes des premiers craniates, sur les fossiles, hein. Donc les craniates, c'est les vertébrés possédant une boîte crânienne, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il semblerait que l'évolution se foutant bien de notre gueule ait supprimé l'option œil sur le capot à la livraison des mammifères. Donc moi, je suis un tout petit peu déçu. L'évolution est vraiment pas très marrante. Moi, je voulais mon troisième œil. Ouais, j'avoue. Qu'à cela ne tienne, nous, on a nos NSC. Hein, nous, on a peut-être pas de troisième œil, mais on a cette structure. En fait, si on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit que tous les vertébrés ont des NSC. Donc, on a vraiment perdu au change là. Et ces NSC, ils sont bardés de photorécepteurs. On peut retrouver cette présence de photorécepteurs chez les poissons, par exemple, dans leur NSC. Et de récentes études ont même montré que les NSC des têtards de poissons, bien que logés au milieu du cerveau, eh bien, ils étaient sensibles à la lumière. Et donc, ils contrôlaient des comportements phototactiques. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas une structure, un œil qui se trouve à la périphérie du cerveau et du crâne. C'est un œil, enfin une structure photoréceptrice en plein milieu du cerveau et qui réussit à donner une information lumineuse et vis-à-vis de la lumière à ces têtards de poissons. Et donc, leur comportement, c'est qu'ils se mettent à nageouiller en absence de lumière. Et là, pareil, pour s'en rendre compte, ce qu'on a fait, c'est on les rend aveugles, on enlève toutes les structures avec des photorécepteurs qui sont autour, et on vérifie qu'ils sont quand même capables d'avoir ce comportement avec des variations de lumière. Donc, à partir du moment où les centres pacemakers de ces organismes commençaient à être décrits anatomiquement, eh bien, certains chercheurs se sont mis en chasse de leur fonctionnement. Et paradoxalement, l'un des facteurs prédominants du fonctionnement de la glande pinéale, par exemple, la mélatonine, cette substance, cette hormone, avait été découverte bien plus tôt par des chercheurs qui voulaient trouver un moyen d'éclaircir la peau. Alors, ça paraît bizarre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1917, Carey Pratt McCord et Floyd P. Allen ont découvert que des extraits de glandes pinéales de vache éclaircissent la peau de têtards. Je n'arrive même pas à entrevoir comment on peut penser à un protocole pareil, c'est-à-dire « Ah, voilà, j'ai une vache, je vais lui prendre la glande pinéale et je vais faire baigner des têtards d'amphibiens dans cette substance. Enfin, » ça me paraît quand même assez dingue. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est que par les extraits de glandes pinéales, il y avait un effet d'éclaircissement de la peau des têtards. En 1958, suivant ses premières expériences, un chercheur qui s'appelle Aaron B. Lerner décide de découvrir l'agent éclaircissant pour traiter des maladies dermatologiques. Et il est le premier à isoler cette substance, cette hormone, qu'il appellera mélatonine. Mélatonine, ça vient de mélanine, le fait qu'il y ait une variation sur la production de cette substance, de ce pigment à la surface des organismes. Et tonine, de mélatonine, ça vient de sérotonine, parce qu'il a montré aussi que la sérotonine, c'était le précurseur nécessaire à la production de cette hormone. Donc cette hormone, en fait, maintenant on le sait, n'a aucune action sur la pigmentation. On s'apercevra plus tard en fait, que l'accumulation des pigments chez les amphibiens suit en réalité un rythme circadien contrôlé par la mélatonine. C'est-à-dire que la couleur des têtards varie selon un rythme circadien chez la plupart des amphibiens. Et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve chez pas mal de bestioles, que ce soit chez les poissons ou encore chez des crustacés marins. Et vous pouvez voir, d'ailleurs j'ai mis ça sur une petite vidéo sur mon blog, où on voit que non seulement les variations lumineuses entraînent justement la décroissance des mélanophores, ces cellules qui qui possède des pigments à la surface dans la peau de ces organismes. Donc, ces mélanophores deviennent beaucoup plus compacts en fonction des variations lumineuses, mais aussi parfois en fonction de la présence d'adrénaline. C'est-à-dire que quand l'animal a peur, soudain, il devient plus transparent. Ce qui est un mécanisme assez bien justement pour pouvoir se cacher quand on est dans un milieu aquatique. La glande pinéale est donc responsable de la synthèse de la mélatonine, mais cette sécrétion n'est pas continue. En fait, elle est uniquement nocturne. Alan vous en parlera bien mieux. Et cette production nocturne suit donc un rythme circadien. C'est-à-dire que le jour, pas de production de mélatonine, et la nuit, production de mélatonine. On peut d'ailleurs observer le rythme circadien de la production de mélatonine, même si on isole la glande pinéale du reste de l'organisme. Ça veut dire, vous prenez une vache, une caille, vous pouvez même prendre des truites, j'ai vu des expériences avec ça, cet organisme-là. Vous prélevez la glande pinéale, vous la mettez dans un milieu dans lequel elle peut se maintenir quelques jours, et vous allez voir une production cyclique de la mélatonine. Et ce cycle, encore une fois, a une période circadienne. Donc c'est très pratique ce genre d'organes qu'on peut isoler du corps quand on veut en apprendre plus sur les mécanismes à l'origine de l'horloge circadienne. Alors pendant quelques temps, c'était la direction privilégiée dans les années 60-70 des recherches en chronobiologie et la mélatonine semblait être la molécule miracle à l'origine de tous les rythmes. Mais à son habitude, la génétique a foutu le souk. Alors, tout commence pour la génétique par les travaux d'un botaniste, Erwin Bunning, qui s'amuse à croiser des plants d'haricots d'Espagne possédant des périodes de rythme endogène différents. Il avait remarqué que chez ces organismes, chez ces plantes, il y avait encore une fois un phototropisme, c'est-à-dire que les feuilles se ferment et s'ouvrent. Mais il avait remarqué qu'il y avait quelques petites variations entre individus. Du coup, même si c'est dans la même espèce, certains individus présentaient des mouvements de feuilles héliotropiques avec une période de 23 heures et d'autres de 26 heures. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le mécanisme qui existe chez les plantes d'autopollinisation pour établir des lignées de haricots à période stable. Et une fois les lignées établies, il a commencé à les croiser et remarqué que la période des haricots croisés correspondait à la moyenne des périodes des parents. Ça, pour un généticien, c'est le signal « Ah, un gène !» Et donc, la chasse aux gènes circadiens était ouverte. Ça veut dire qu'il y avait vraiment ici une notion de caractère héréditaire qui était transmis en faisant des croisements. C'était donc véritablement une composante génétique des rythmes circadiens. Okay. Donc, tout bon généticien vous le dira, le moyen le plus facile de trouver la fonction d'un gène, c'est de trouver des mutants pour ce gène. Donc, ce n'est pas les mutants de X-Men, on le verra, c'est des mutants un petit peu plus classiques. Par exemple, l'un des premiers organismes mutants caractérisé dans lequel on a vu des modifications de période, c'est dans les années 70, un champignon, Neurospora crassa. Et après, un tout petit peu plus tard, des mouches du vinaigre, Drosophila melanogaster. Alors chez la drosophile, ce fut trois mutants pour le prix d'un qui furent caractérisés. Les mutants exhibaient trois types de perturbations circadiennes à deux niveaux physiologiques. En fait, on remarquait que le moment de l'éclosion et l'activité locomotrice avaient des périodes changeantes par rapport aux souches sauvages, comme on dit en génétique. Donc, une souche mutante était arythmique, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire que l'activité n'a absolument aucune période. Une autre avait une activité avec une période de 19 heures, et la troisième avec une période de 28 heures. Et pourtant, il s'agissait de trois mutations d'un même gène, comme ce fut caractérisé un tout petit peu plus tard. Et ce gène fut appelé, les chronogénéticiens, cette fois-ci, qui travaillent chez la drosophile, aiment bien utiliser des noms qui permettent de comprendre ce que la mutation fait, et donc ici, ce gène fut appelé période. Chez le champignon, le gène isolé fut appelé frequency. Et les biologistes, donc, vous voyez, sont hyper imaginatifs. J'allais dire, ouais. C'est très original comme nom. Oui, oui, bon, enfin bon. Ça mérite d'être efficace, on comprend de quoi il s'agit. Voilà, période, un gène circadien, tout est dit, quoi. Ouais. Les biologistes sont parfois. Chez les mammifères, la quête fut plus longue et il faudra attendre 1988 pour qu'un hamster mutant à l'horloge circadienne cassée soit caractérisé. Le gène sous-jacent fut nommé Tau. Alors, cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus complexe de voir le lien avec les rythmes circadiens. Est-ce qu'il y en a un de vous qui arrive à savoir pourquoi ils l'ont appelé Tau ? Moi, je suis censé savoir parce que j'ai jeté un coup d'œil à ton dossier. Bon, alors en fait, tau, c'est le symbole qu'on donne généralement de la période dans divers travaux de physique et même en biologie. Et du coup, c'est l'inverse de la fréquence. Bref, c'est le running gag de chronobiologiste le plus long du monde. Alors, avec les avancées technologiques en matière de biologie moléculaire, le réseau génétique circadien fut disséqué assez rapidement. On a trouvé toute une batterie en fait, de gènes chez ces organismes qui avaient des rôles dans l'horloge circadienne. Très vite, on se rendit compte, chez les animaux en tout cas, que la plupart des gènes circadiens étaient homologues entre les différentes lignées. Homologues, ça veut dire qu'ils sont hérités d'un ancêtre commun. Donc un ancêtre commun entre la mouche, l'humain, le rat, les mollusques, les vers marins, etc., qui possédaient bel et bien un réseau de gènes circadiens. Ça veut dire que notre horloge circadienne, on l'a héritée au même titre que les drosophiles, au même titre qu'un mollusque, etc. C'est la même. C'est fait à peu près des mêmes gènes. Donc, ça veut dire que nous, humains, on a aussi des gènes circadiens, d'ailleurs. Et chez certaines familles, il existe des syndromes héréditaires de décalage de phase de sommeil, de véritables mutants du cycle circadien, même si je pense que ceux-là n'ont pas été embauchés par le professeur Xavier, vu ce que leur confère leur mutation. Professeur Xavier, on est donc dans les X-Men, c'est ça ? Exactement, le professeur Xavier, c'est celui qui recrute les X-Men et les mutants avec des pouvoirs généralement très très très intéressants pour lutter contre le crime, etc. Mais je pense que les mutants du cycle circadien ne seraient pas utiles pour lutter contre le crime. Bref. Donc, les chronobiologistes moléculaires ont découvert que ces gènes circadiens avaient une activité cyclique. C'est, non seulement ils existent, mais en plus, leur activité, elle varie au cours du temps. Donc ces gènes sont transcrits en ARN, donc je vous rappelle, un gène, généralement ça se trouve dans la molécule d'ADN, et des protéines permettent, des facteurs de transcription et des polymérases permettent de transcrire l'information qui se trouve sur l'ADN en une autre molécule qu'on appelle l'ARN. Et ce qu'on a observé chez ces gènes circadiens, c'est que la transcription n'est pas continue au fil du temps. Elle fluctue. Et ces fluctuations, vous l'aurez deviné, eh ben elles ont une période proche de, grosso modo, 24 heures. Donc, même la transcription des gènes circadiens agit selon un rythme circadien. Oh. Alors, du coup, la question, c'était comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a une transcription circadienne des gènes circadiens ? Alors, certains ont commencé à construire des modèles pour expliquer cette activité cyclique. Et le modèle le plus simple est appelé, alors attention, le nom à coucher dehors, boucle autorégulatrice négative de la transcription-traduction. Oui, c'est paradoxal, c'est le modèle le plus simple du monde. Quand on porte un nom pareil, c'est un petit peu dommage, quoi. Alors, le modèle s'applique chez les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes dont les cellules portent un noyau et part de la transcription d'un gène circadien. Successivement, ce gène circadien transcrit, donc en une molécule d'ARN, va être traduit en protéine. Seulement, selon ce modèle, la protéine a pour action de perturber la transcription de son gène d'origine. Donc, en gros, la protéine qui est synthétisée par le gène circadien empêche sa propre transcription. Et donc, la transcription du gène circadien devient progressivement inhibée. Mais la protéine, qui a une durée de vie limitée, commence à se dégrader et petit à petit lève l'inhibition et entraîne le début d'un nouveau cycle. Alors, bien sûr, ce n'est pas très clair à l'oral, mais vous avez encore une fois un schéma vous expliquant ce modèle de la boucle autorégulatrice négative de la transcription-traduction sur SAFT et sur Podcast Science. Okay. Alors, ce modèle, il est uber simple et de nombreux labos travaillent d'arrache-gène pour obtenir un modèle qui colle mieux à la réalité. Cette approche génétique, je vous l'avais confié, avait foutu le souk dans le travail précédent des physiologistes. Alors, la question, c'est pourquoi ? Eh bien, parce qu'on retrouve l'expression cyclique des gènes circadiens dans presque toutes les cellules du corps. Alors, certes, il y a des endroits privilégiés, comme nos fameux oscillateurs centraux, mais la présence de mini-horloges cellulaires partout a quand même sérieusement réfréné les ardeurs des physiologistes. C'est beaucoup plus difficile d'expliquer un fonctionnement quand ce n'est pas un organe qui contrôle ça, mais quand c'est toutes les cellules qui possèdent ces mini-horloges. Et puis d'autre part, De nombreux organismes unicellulaires semblent utiliser ce système sans besoin de grands complexes de neurones et d'hormones pour pouvoir suivre les rythmes des journées. Du coup, ça, encore une fois, ça avait cassé le travail des physiologistes. On peut même observer des rythmes circadiens chez des lignées de cellules humaines, c'est-à-dire, par exemple, vous avez déjà entendu parler des lignées de cellules cancéreuses qu'on place dans des petits tubes pour les laisser pousser, cultivées donc en laboratoire. Eh bien, ces cellules-là, ces lignées de cellules, présentent, elles aussi, des rythmes circadiens, et avec des variations de gènes. Mais bon, Karmaz de Beach, les partisans du tout génétique, elle est vite fait se prendre une belle mandale dans la gueule. En effet, parallèlement à la course aux gènes circadiens, certains chercheurs claironnaient haut et fort des résultats allant complètement à l'encontre du modèle de la boucle autorégulatrice négative de la transcription-traduction. J'adore ce mot, je vais le répéter encore une fois tellement il est beau. Boucle autorégulatrice négative de la transcription-traduction. Bref. Certaines équipes ont mis en effet en évidence des rythmes circadiens de diverses fonctions cellulaires chez les globules rouges humains. Or là, il y a quand même un petit problème dans cette découverte, c'est que les globules rouges n'ont pas de noyau. Si les globules rouges n'ont pas de noyau, ils n'ont pas d'ADN. Donc ils n'ont pas de matériel génétique. Ça la fout un tout petit peu mal pour le modèle. Un peu, ouais. Ça veut dire qu'en gros, ici, il y a des rythmes circadiens observés chez les érythrocytes, hein, ces fameux globules rouges, alors qu'il n'y a pas de gènes circadiens, il n'y a pas de présence de gènes circadiens. Donc, rapidement, on a aussi trouvé des systèmes circadiens chez des organismes procaryotes, sans noyau. Alors certes, ces organismes possèdent un matériel génétique, mais si on bloque avec des produits chimiques la transcription et la traduction, eh bien, les fonctions circadiennes continuent quand même. Et chez un de ces procaryotes, une cyanobactérie, ce sont des bactéries qui sont capables de photosynthèse, cette cyanobactérie s'appelle Cynococcus elongatus, eh bien, chez cette cyanobactérie, le système circadien non génétique a été disséqué et implique trois protéines, qui sont appelées KIA, KIB et KIC. Et si on met une source d'énergie chimique, le fameux adénosine triphosphate, ou ATP, c'est l'énergie chimique que toutes les cellules possèdent, eh bien, il y a un système circadien qui se crée uniquement avec trois protéines et cette source d'énergie chimique. Mieux encore, ces chercheurs, en isolant ces trois protéines à partir de la cyanobactérie, ont réussi à reproduire un cycle circadien dans un tube à essai. C'est-à-dire, il n'y a plus de cyanobactéries, cette fois-ci, il y a trois protéines et de l'ATP, et vous avez un rythme circadien, un rythme dont la période est approximativement 24 heures. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de rajouter de l'ATP en abondance dans la solution. Alors, toutes ces découvertes, finalement, qu'est-ce que ça implique sur les rythmes circadiens chez les cyanobactéries, chez les champignons, chez les plantes, chez les animaux ? Bah, franchement, on est encore loin de tout comprendre. Ce que ces résultats suggèrent, c'est que l'on possède des horloges circadiennes de différents âges. Certaines sont très vieilles, comme cette horloge moléculaire qu'on retrouve dans les cyanobactéries et qui peut être la même agissant dans nos globules rouges. D'autres sont juste un poil moins anciennes et se retrouvent dans toutes nos cellules. Et puis d'autres ont accompagné l'émergence des organismes à plusieurs cellules et se retrouvent dans des organes. Mais finalement, à travers la quête de nos horloges biologiques, ce qu'on se retrouve à faire, c'est creuser les strates de notre histoire évolutive, mettant une énième fois en évidence le fait que tous les êtres vivants sont liés par des liens de parenté. Mais ici, en toile de fond, une dimension nouvelle se dégage, ce rythme latent, ce rythme qu'on cherche dans tout ce qui vit, c'est le rythme des 1 000 milliards de levées et couchers de soleil qui se sont succédés à la surface de notre planète. Cette quête du rythme, eh bien, c'est l'une des rares occasions que la biologie peut trouver pour toucher du doigt les rythmes de notre immense univers. On a quelques questions d'auditeurs dans la chatroom que je vais te relayer, mais juste d'abord le commentaire de Georges Mackie qui dit « Putain, quand j'écoute Pierre, j'aime la science, j'ai juste envie d'en savoir plus. » Oh, c'est Georges. Je crois que ça résume bien l'impression que tu laisses à tout le monde. Merci Georges. Alors, les questions qu'on a eues dans la chatroom. D'abord, on avait quelques questions qui ont été posées pendant que tu donnais la définition des rythmes circadiens. D'accord. On avait Georges qui disait, enfin qui demandait, donc quand tu as expliqué que c'était ubiquitaire dans le vivant, il disait même chez les vers solitaires. Et je ne sais pas, mais je pense que oui. En fait, les cycles parasitaires sont généralement associés à une dimension de saison où, par exemple, les vers solitaires vont se reproduire à des saisons particulières. Et du coup, la présence d'un rythme circadien qui serait cette fois-ci entraîné par des Zeitgeber d'une autre nature, peut-être la température, les variations de température du corps de l'hôte, etc., permet aux vers solitaires de savoir exactement dans quelle saison ils se trouvent. Parce que ça, c'est vraiment une dimension que je n'ai pas expliquée. Mais les rythmes circadiens, en plus de permettre d'anticiper ce qui va se passer dans une journée, c'est-à-dire, bah, voilà, je commence à avoir faim autour de midi, bah, ça, c'est une anticipation, c'est une préparation de ton corps grâce au rythme circadien pour pouvoir mieux digérer quand tu vas t'alimenter à midi. Bah, y a plein de rythmes comme ça, mais il y a aussi des rythmes saisonniers que sont capables d'avoir certaines espèces. Eh bien, ces rythmes saisonniers, en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils sont étroitement liés au rythme circadien. Et que grâce au rythme circadien, l'organisme non seulement gagne une idée du passage des jours, mais aussi gagne une idée du passage des saisons. Et du coup, le vers solitaire, grâce à un rythme circadien, pourrait quand même avoir une information sur des cycles annuels. Donc, probablement, chez le vers solitaire, il y a des rythmes circadiens, mais je peux vérifier. Ok. Quand tu abordais la question de la température, David Loureiro a posé une question aussi. Il demandait, et l'hibernation des ours ? Eh bien, justement, je ne comprends pas cette question. Est-ce que chez eux, le rythme circadien reste régulier aussi quand ils dorment la moitié de l'année ? Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est le but. Le rythme circadien, en fait, va permettre justement d'entraîner l'organisme et d'une certaine manière, pour les ours, ce qui est extrêmement important, c'est de comptabiliser les jours qui passent et d'avoir une certaine information qui va être engrangée dans l'organisme pour lui permettre de savoir quand est-ce qu'il doit sortir de son hibernation. Donc oui, les rythmes circadiens continuent, même si la température diminue, ce qui montre qu'il y a bien des mécanismes de compensation thermique pour permettre que les rythmes circadiens fonctionnent, quelle que soit la température de l'organisme. Ok. Après, on avait une question de The Ultimate Gibbon qui posait... Bah ouais. Ce qu'il qualifie d'une question à la con, même pour des organismes dans des conditions extrêmes. Alors, il va peut-être faire référence à des archées qui se retrouvent dans des lieux dans lesquels il n'y a pas de lumière ou dans lesquels il n'y a pas de variation. C'est aussi ce à quoi je pensais. Oui, voilà. Donc, en fait, il y a des espèces qui vivent dans les abysses et on pourrait se demander pourquoi il y aurait besoin d'un rythme circadien. En fait, on ne se rend pas compte à quel point la plupart de la vie sur Terre peut être de manière directe ou indirecte liée aux variations du soleil. En fait, il y avait un exemple, par exemple, c'est que les rythmes circadiens permettent d'anticiper la venue dans le sol des abysses d'une colonne de débris réalisée sur 2000 mètres plus haut par des espèces de zooplancton ou de phytoplancton. Parce que eux vont s'accumuler et donc les espèces abyssales vont devoir, pour pouvoir d'une certaine manière anticiper l'arrivée de cette neige de matière organique, avoir un rythme circadien. D'autre part, la plupart des espèces abyssales, je ne sais pas pour les unicellulaires, mais pour la plupart des espèces animales qui se retrouvent dans les abysses, ce sont des espèces qui proviennent de lignées chez qui on a caractérisé des rythmes circadiens. Donc, s'il y a perte, il y aura une perte secondaire de ces rythmes circadiens et pas une perte à la base de ces lignées. Ok. Après, on avait un commentaire d'Yves qui précisait, là, c'était au moment où tu parlais des X-Men, que pour lutter contre le crime, il faudrait que les flics ne dorment plus, d'où l'intérêt de la maîtrise du cycle circadien. Certes, mais alors les mutants dont j'ai parlé, eux, étaient complètement inefficaces parce qu'ils s'endormaient plus tôt que les gens d'habitude. Ouais. Voilà, donc c'était des leftards couche tôt. Enfin, c'est un peu particulier, je crois. Mais... C'est ça. Bah, il faudrait en faire des criminels, du coup, ce serait plus facile. Bah oui, voilà, comme ça. Enfin, voilà. Je sais pas, ou des banquiers. J'allais faire un commentaire sur les employés de poste, mais je pense que c'est pas une bonne idée. On a Lilizan Peach qui demande si ça marche que sur Terre ou si ça s'applique aux autres planètes. Bon, là, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des rythmes circadiens d'autres planètes ? Non, est-ce qu'il y a des rythmes circadiens chez dans le vivant sur les autres planètes ? Là, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on découvre le vivant sur les autres planètes. Non, mais oui, alors, après, elle a étendu sa question en disant justement en dehors du vivant. D'accord. Je pense que c'était à ça qu'elle pensait. Mais oui. Vas-y, okay, je te laisse. Mais les rythmes circadiens, ça concerne le vivant de toute façon, et c'est tout. Bah non, regarde, tu vois, là, t'as donc trois protéines et un truc chimique qui a été reproduit in vitro. Ouais. Bah, ça, c'est pas du vivant, hein. C'est trois protéines, c'est pas du vivant. Tu peux en trouver même qui se synthétisent comme ça spontanément. Et du coup, ces choses-là sont quand même capables d'avoir des rythmes circadiens. Du coup, ça pose vraiment la question de est-ce qu'on peut retrouver ce genre de phénomène chez des molécules qui ne font pas partie du vivant et qui pourraient se trouver sur d'autres planètes. Donc, ma réponse, c'est que cette découverte-là chez la cyanobactérie a ouvert cette possibilité. Ok. Bon, moi, du coup, j'ai une question aussi avec cet exemple de la cyanobactérie que tu as donné. Ouais. Donc, avec les trois protéines, enfin, la combinaison de trois protéines et d'ATP qui arrive à créer un rythme circadien, est-ce que ce modèle-là remet en question le modèle génétique ou c'est un truc en plus ? Comme j'ai dit, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si ça remet en cause. On sait que si on disait aussi est-ce que le modèle génétique a véritablement remis en cause la théorie de l'oscillateur central avec la fonction de la mélatonine. Cette fonction, elle existe. On a vu, j'en ai parlé, quand on fait une lésion des NSC chez le hamster, il y a plus de rythme, etc. La question sous-jacente, c'est peut-être qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution pour que s'accumulent des horloges comme ça dans les organismes et pourquoi, surtout, elles ont été maintenues parce qu'elles semblent être maintenues, notamment pour les gènes circadiens. Il doit y avoir une énorme contrainte évolutive, une contrainte sélective pour que ces gènes ne soient pas modifiés. Et c'est peut-être du fait qu'ils soient extrêmement vieux, mais aussi peut-être parce qu'ils sont extrêmement importants. Du coup, ouais, vas-y. On pourrait aussi penser, enfin moi c'était une question que je posais au niveau des simulations de vie artificielle et plus au niveau des saisons, mais ça rentre tout à fait dans le même contexte. Si ce genre de cycle, ce genre de variation cyclique environnementale ne pourrait pas être indispensable dans une certaine mesure à l'apparition de complexité dans le vivant. Donc enfin on pourrait prendre le système à l'envers, c'est-à-dire Oui, mais alors pourquoi la complexité ce serait nécessairement sélectionné ? Pour moi, c'est pas un facteur qui. Bah, justement, ce serait ça qui permet de sélectionner. Enfin, bon, hypothèse absolument pas vérifiée, mais en vie artificielle, l'un des éléments qu'on cherche, c'est qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à nos simulations avec nos trois critères habituels pour obtenir des organismes complexes, vu qu'on n'a pas d'apparition spontanée d'organismes complexes. Et les cycles font partie des sujets abordés fréquemment dont on envisage qu'ils pourraient amener de la complexité. Ok. Bon, David, c'est un peu une question de spécialiste. Je propose qu'on la garde pour une autre fois et puis qu'on reste dans le thème pour ce soir. Bon, moi, j'ai pas vu passer d'autres questions dans la chatroom. Du coup, je propose qu'on enchaîne. Maintenant qu'on a bien compris ce que sont les rythmes circadiens, ben moi je voulais vous parler un petit peu de nous autres humains, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, les rythmes biologiques sont ancrés tellement profondément dans chacune ou presque des cellules de notre corps que ça a un impact important sur nos vies. Alors Pierre nous a indiqué comment on a expérimenté sur les champignons, les plantes, les drosophiles, les vertébrés, et l'homme dans tout ça. Eh bien, en l'occurrence, pas besoin de prélever ici et là des bouts d'organes chez nos congénères pour observer leurs réactions. La science trouve parfois quelques braves volontaires, heureux de la servir dans la joie. Ainsi, Michel Siffre, explorateur souterrain, aventurier scientifique niçois, une sorte d'Indiana Jones français, a réalisé trois expériences en libre cours en s'isolant dans des grottes pendant de longues périodes. D'abord 2 mois en 1962 au fond du gouffre de Scarasson, à la frontière franco-italienne. Il est sorti le 17 septembre, persuadé d'être le 20 août. 10 ans plus tard, en 1972, il a remis ça dans une grotte du Texas pendant 205 jours. Et enfin, en 1999, tout de même âgé de 60 ans, il a réalisé une autre expérience hors du temps dans une galerie de la grotte de Clamouse, dans l'Hérault. Cette fois, durant 69 jours. C'est Clamouse qui te fait marrer. Moi aussi, hein, donc c'est bon. J'aime beaucoup le nom. Hein. La périodicité de l'horloge endogène, c'est-à-dire l'horloge interne, indépendante de l'environnement, chez l'être humain, a pu être estimée à 25 heures et 18 minutes grâce à lui. Homo sapiens connaît donc bel et bien ce concept d'horloge interne, comme le reste du vivant. On notera que cette horloge est un peu plus lente que la rotation de la Terre. Elle doit donc être recalée en permanence sur l'horloge de la journée terrestre ou sociale grâce aux points de repère que Pierre évoquait dans son dossier, les Zeitgeber. La lumière du jour, les horaires de train, les repas avec mamie sont autant de Zeitgeber qui permettent de remettre les pendules à l'heure. Et quand on regarde nos rythmes biologiques de près, on s'aperçoit qu'ils ont des effets pour le moins inattendus sur nos aptitudes et comportements. À l'école, par exemple, les enfants mémoriseraient plus facilement ce qu'on leur propose d'apprendre vers 11h et vers 17h30. Par contre, de 13h30 à 15h environ, leur attention baisse, et cela sans aucun rapport avec la digestion. Nous autres, adultes, connaîtrions en moyenne un pic d'attention vers 10h, de meilleures capacités de coordination vers 14h30, des réflexes accrus vers 15h30, des muscles au top vers 17h, une tension artérielle plus élevée vers 18h30, un pic de température vers 19h. L'ensemble de ces pics de fonctions biologiques, qu'on appelle acrophase quand on est spécialiste ou qu'on veut briller en soirée, forment ce qu'on appelle la structure temporelle circadienne d'un organisme. Alors grâce à Pierre, vous pouvez voir dans la version écrite du dossier sur le site un graphique qui montre la structure temporelle d'un homme adulte sain. Tout est question de timing. Mais il y a des heures noires aussi. Des heures noires pour les accidents, par exemple. Les catastrophes de Tchernobyl, de Bhopal, de l'Exxon Valdez et de la centrale nucléaire américaine de Three Mile Island, entre autres, se sont toutes produites. Les accidents sont tous produits vers 3 heures du matin, comme des milliers d'accidents de la route chaque année. Globalement, notre vigilance est moins bonne entre minuit et 4 heures du matin. Bref, nos horloges biologiques ne font pas que régir nos cycles de sommeil comme on pourrait le penser a priori, elles jouent un rôle prépondérant dans nos existences et le moins qu'on puisse dire en ce début de 21e siècle, c'est qu'on a un peu tendance à les maltraiter. Alors on va tenter de décortiquer dans ce dossier le comment du pourquoi de ces décalages, leurs conséquences sur le plan social et de la santé, et de voir quels sont les moyens d'agir pour mettre les pendules à l'heure. Quand je dis qu'on les maltraite, il faut savoir qu'en 2009, un sondage BVA réalisé sur 1000 personnes de tous les âges pour l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance en France, l'INSV, révélait que les Français d'aujourd'hui consacrent 1h30 de moins à leur sommeil qu'en 1960. Alors, j'ai pas de chiffres, mais j'imagine volontiers qu'il en va de même pour toutes les populations qui vivent selon un modèle similaire, où on prend le métro à la même heure tous les matins, été comme hiver, où on ne sait souvent même pas quel temps il fait dehors pendant la journée, et où on se bombarde joyeusement la rétine à grand renfort de TV géantes, de laptops, de tablettes ou de téléphones portables. Et ça, c'est juste dans la vie de tous les jours. Pour mieux cerner le propos, on va parler d'un cas qui devrait être exceptionnel, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, on le connaît tous à intervalles plus ou moins réguliers. J'ai nommé le jet lag. Le jet lag, on l'appelle aussi syndrome du décalage horaire ou arythmie circadienne. Le jet lag, c'est, selon notre bon ami Wiki, la condition physiologique particulière qui résulte d'un voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires, généralement en avion. Un tel voyage décale effectivement les différentes horloges internes et l'activité extérieure, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit, les activités autour d'un individu. Alors, par conditions physiologiques particulières, concrètement, si on se réfère au blog secretdusommeil.com, c'est un nouveau confrère du Café des Sciences d'ailleurs, il faut comprendre les symptômes classiques suivants. C'est l'insomnie, la perturbation du sommeil, la somnolence au cours de la journée, des troubles de la concentration, de la fatigue, de l'irritabilité, de la désorientation, la dépression, les troubles gastro-intestinaux, des maux de tête pendant la journée ou un malaise général. Alors pour faire simple, on va dire que le principe de base, c'est que notre glande pinéale se met à sécréter de la mélatonine, l'hormone du soleil, dès que la lumière baisse. Si on peut respecter un rythme naturel, on a sommeil quand la nuit tombe, grosso modo, on s'offre quelques heures de repos réparateur, en une ou deux fois, les 8 heures de sommeil d'affilée sont plutôt une nouveauté qui remonte à l'installation d'éclairage public, Et le lendemain, les sécrétions de mélatonine sont remplacées par des sécrétions de cortisol qu'on peut qualifier d'hormones du stress, histoire qu'on ait envie de sortir du lit. Mais quand on se trouve subitement à plusieurs fuseaux horaires de chez soi, la sécrétion de mélatonine n'est plus du tout synchronisée avec le rythme naturel du jour et de la nuit. Si on est parti à l'ouest, on se retrouve en avance de phase, c'est-à-dire qu'on sécrète de la mélatonine beaucoup plus tôt par rapport à l'heure locale. On tombe de sommeil en pleine journée. Par contre, si on part à l'est, bah c'est bien sûr le contraire qui se produit, donc on est en retard de phase, on n'a pas sommeil à l'heure de se coucher et on est en sommeil profond à l'heure de se réveiller. Alors si vous avez fait gaffe tout à l'heure pendant l'énumération des symptômes, vous aurez noté la dépression glissée nonchalamment au milieu d'une liste de symptômes a priori beaucoup plus banale. Bah en fait, les décalages de phase et la dépression sont étroitement liés. Chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, les épisodes maniaques sont liés à un retard de phase et les épisodes dépressifs à une avance de phase. D'ailleurs, le lithium qu'on prescrit aux personnes qui souffrent de ces troubles traite les symptômes en agissant sur l'horloge circadienne. Alors, en cas de jet lag, comment est-ce qu'on peut faire pour remettre les pendules à l'heure ? Bah, a priori, dans le cadre d'un voyage, une fois qu'on est sur place, on dispose de trois outils. Il y a l'exposition à la lumière, la prise de mélatonine et le sport. Alors, on va détailler un petit peu. Pour la lumière, c'est tout simple, ça ne fait l'objet d'aucune controverse. En gros, il faut s'exposer à un maximum de lumière le matin, sans lunettes de soleil, et au moins de lumière possible, le soir, histoire de resynchroniser progressivement son horloge interne sur le rythme naturel du jour ou de la nuit, là où on se trouve. Donc ça, c'est le Zeitgeber principal. Pour la mélatonine, en revanche, le consensus est loin d'être atteint et la technique est encore controversée. Cependant, depuis 2009, on a pu vérifier que le fait d'en prendre oralement pendant les premiers jours sur place, le soir, avant de se coucher, est efficace pour avancer son rythme, c'est-à-dire pour se coucher de plus en plus tôt quand on voyage vers l'Est. Et enfin, donc on avait dit qu'il y avait trois outils. Le troisième, c'est le sport. L'idée, c'est d'en pratiquer le soir quand on voyage vers l'Ouest, histoire d'augmenter sa température corporelle et de diminuer la fatigue, ou au contraire, le matin, quand on voyage vers l'Est, pour les mêmes raisons. Ça réveille. Bon, après, on peut également s'y dire, bien sûr. Et là.com donne plein de conseils comme décaler d'une heure par jour l'heure du coucher pour se préparer progressivement, par exemple. Et depuis quelques années, on parle d'un quatrième outil, le jeûne. Alors, ça semble extrêmement efficace. En tout cas, ça marche sur les souris. Chez l'humain, on ne sait encore pas trop. Alors, David Loapre, l'auteur de l'excellent blog Science Étonnante, également un confrère du Café des Sciences, a essayé de faire avancer les recherches pour voir dans quelle mesure ça s'applique aux humains, en mettant la technique en pratique sur sa propre personne lors de sa dernière traversée de l'Atlantique. Vous trouvez le billet en lien dans le dossier. Alors, ça a bien fonctionné pour lui. En arrivant à Paris depuis Boston, où il est installé, il n'a rien mangé le premier jour, il a fait une petite sieste, et hop, dès le lendemain, il était calé sur le méridien de Paris. Alors bien sûr, David est un sujet intéressant, très intéressant même, mais ça reste néanmoins un sujet unique. Tant qu'elle n'est pas reproduite à plus grande échelle sur un plus grand nombre d'humains, son expérience restera évidemment une anecdote. Il faudrait que servir la science soit la joie de plus de monde, mais la piste semble prometteuse. On parle en général de jet lag lorsqu'il y a un décalage de 5 heures ou plus. Et moi, une question que je me suis posée en préparant tout ça, c'est quid des effets des plus petits décalages ? Eh bien, une étude suédoise publiée en 2008 s'est intéressée aux effets sur la santé du passage à l'heure d'été. Anodin, pensiez-vous ? Bah, pas tant que ça. Les chercheurs ont constaté une augmentation des infarctus chaque année au moment du passage à l'heure d'été, fin mars. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Le nombre d'infarctus ne diminue pas de manière significative lors du retour à l'heure d'hiver. C'est dingue, non ? Surprenant, oui. Autrement, certains d'entre nous, je pense qu'on est plus ou moins tous concernés là autour de notre studio virtuel. Certains d'entre nous n'ont pas besoin de 5 fuseaux horaires de décalage soudain pour se sentir déphasé. Si vous vous sentez au meilleur de votre forme au moment où tout le monde va se coucher, vous êtes sans doute une personne du soir. Si vous pouvez vous lever à l'aurore, quoi qu'il arrive, mais que vous avez tendance à vous écrouler dès 21h, vous êtes sans doute du matin. C'est pas une légende urbaine cette histoire, le phénomène est vraiment observé, on appelle ça des chronotypes. Et entre les couches tôt qui, à l'instar des alouettes, tombent en fin d'après-midi et les couches tard, genre hibou, qui peuvent veiller toute la nuit, il existe toutes les nuances de chronotypes imaginables. La base génétique chez l'humain a pu être mise en évidence pour expliquer ses prédispositions. Vous trouvez là aussi tout plein de liens dans le dossier. Alors à l'époque où on risquait un coup de défense de mammouth à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'était sans doute un sacré avantage que d'avoir ces différents chronotypes. Mais bon, mon petit doigt me dit que c'était sans doute pas plus un critère d'embauche pris en compte pour l'attribution du poste de sentinelle à cette époque-là que ça ne l'est aujourd'hui. En fait, le problème, c'est pas seulement les rythmes individuels, c'est l'adéquation entre ceux-ci et le rythme de la société qui n'en tiennent en général pas compte. Un exemple particulièrement frappant, c'est celui des ados que Pierre évoquait tout à l'heure. Leurs horloges sont déphasées. Au niveau de leur chronotype, la plupart des adolescents sont du soir, c'est des hiboux. On savait depuis longtemps qu'ils ne font pas forcément les meilleurs choix au niveau comportemental, genre se gaver de boissons énergisantes jusqu'à tard dans la soirée, ou consulter un écran jusqu'à pas d'heure, faire la fête tous les week-ends, évidemment c'est pas terrible. Mais une étude américaine a pu montrer que la sécrétion de mélatonine diminue si on utilise un iPad pendant 2 heures dans la soirée. Donc il y a clairement un facteur comportemental. Mais on sait aussi aujourd'hui que leur déphasage a une origine biologique. Leur horloge est influencée sous l'effet de la montée d'hormones. Pourtant, on continue de les convoquer à l'école à l'aurore alors qu'il suffirait de pas grand-chose. Une école américaine a conduit une expérience intéressante. En retardant le début des cours de 3/4 d'heure seulement le matin, les résultats se sont avérés très concluants. L'augmentation de la durée de sommeil a permis une amélioration des performances académiques et a diminué le risque de dépression. Alors en attendant que toutes les écoles du monde s'y mettent, la situation n'est pas complètement désespérée. Dans les cas sévères de déphasage, on peut proposer à l'ado décalé une chronothérapie. L'idée est marrante. Au lieu de lui demander de se coucher de plus en plus tôt, quiconque a pratiqué un ado d'appartement ordinaire sait que c'est absolument impossible, on lui propose au contraire de se coucher un petit peu plus tard. Par exemple, 2 à 3 heures plus tard, ce qui pose en général aucun problème. Et puis, rebelote le lendemain, et on ajoute quelques heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ou elle parvienne à aller se coucher vers 22h, 23h. Et à ce moment-là, on lui prescrit de la mélatonine le soir, et de la luminothérapie, donc un traitement par la lumière le matin, afin de stabiliser son rythme veille-sommeil. Un autre moyen, suggéré par les spécialistes, pour les individus de type hibou, qu'ils soient ados ou non, enfin c'est pas des spécialistes, un spécialiste en particulier, Bora Zivkovic, consiste à prendre un chien et à aller le promener le matin, histoire de prendre de la lumière de bonne heure. Alors parents d'ados, ne me détestez pas s'il vous plaît, je ne suis que le messager. Et si on pense aux ados, ben, à l'autre bout du spectre, on peut se poser la question des personnes âgées. Bah, la vie a parfois un sens de l'humour un peu particulier. Tiens, ça aurait pu être l'énigme du sphinx, cette histoire. Je suis en retard de phase quand j'ai des boutons et en avance de phase quand j'ai des cheveux blancs. Avec un peu de chance, j'ai un rythme normal entre les deux. Qui suis-je? Eh ben, tout le monde, vous et moi inclus. Avoir envie de dormir à 17h et se réveiller à 2h du matin n'est pas rare chez nos aînés. Quand on dit que certains vieux sont complètement à l'ouest, finalement, c'est pas dénué de fondements scientifiques. Et là aussi, l'une des rares thérapies que peuvent proposer les spécialistes du sommeil, c'est la cure de luminothérapie. Dès que papy ou mamie tombe de sommeil en fin d'après-midi, paf, on l'expose à une forte lampe pendant une demi-heure. Et puis, tous les 3-4 jours, on décale légèrement l'heure de l'exposition à la lumière jusqu'à ce que son rythme soit en phase avec l'environnement. Alors le paf, pas trop violent, hein, parce que ça peut aussi influencer sur la santé des vieilles personnes. Ouais, c'est vrai. On évitera les flashs... À la Gremlins. Il y en a qui sont sous, justement, pacemaker, donc fais attention. Absolument. Et puis, bah, du coup, on peut se poser une autre question. Quid des aveugles? Parce qu'on l'a vu, la lumière joue un rôle très important, sans doute le plus important, dans la régulation des rythmes circadiens. Alors, comment ça se passe pour les personnes aveugles qui ne perçoivent pas ou ne perçoivent plus la lumière? Eh bien, ça se passe pas toujours très bien. Comme si leur quotidien n'était pas déjà assez compliqué comme ça, pour une personne aveugle sur 10, les symptômes du jet lag sont permanents. Il s'agit des personnes frappées de cécité qui n'ont plus aucune perception de la lumière. D'un côté, donc, leur horloge interne d'Homo sapiens étant un peu plus lente que le rythme jour-nuit, de l'autre côté, elle se trouve tous les jours un peu plus déphasée. Par exemple, une personne dont le rythme endogène, c'est-à-dire son horloge interne, est de 25 heures, se retrouvera décalée chaque jour d'une heure par rapport à la norme. Après 12 jours, elle sera à son maximum de déphasage, et tous les 24 jours, elle sera à peu près en phase avec le reste du monde. On appelle ça le syndrome hypernictéméral. Et ça concerne dans l'immense majorité des personnes aveugles, bien sûr, mais il y a quand même quelques exceptions. On pense que quelques 3 personnes voyantes sur 10 000 souffriraient aussi de ce symptôme. Bon, en bon geek un peu déconnecté des réalités, je me dis qu'une solution toute simple pourrait être d'aller vivre sur Mars, où les journées durent 40 minutes de plus que sur Terre. Mais en général, la médecine moderne opte plutôt pour une solution plus pragmatique, c'est l'administration régulière de mélatonine à heure fixe le soir. On peut se poser une autre question, le travail de nuit dans tout ça. Ben là aussi, c'est très variable d'un individu à l'autre. Certaines personnes s'y adaptent sans trop d'encombre et d'autres en souffrent horriblement. En tout cas, la liste des impacts sur la santé est longue et bien documentée, notamment par les compagnies d'assurance qui tiennent des décomptes précis. J'ai trouvé un papier qui est bien sûr en lien dans le dossier, un papier de la SUVA, c'est l'assurance accident suisse, publié dans la revue Forum Med Suisse, qui est assez éloquent. On a notamment recensé à grande échelle les problèmes suivants: fatigue accrue, troubles du sommeil, risque de détérioration de la vie familiale et sociale, diminution de la capacité de concentration, troubles digestifs, j'en passe et des meilleurs. Et là, les médecins du travail n'ont pas beaucoup d'outils à proposer, si ce n'est de tamiser la lumière 1 à 2 heures avant la fin du service, si possible, de porter des lunettes de soleil en sortant du boulot, histoire de ne pas se prendre la lumière du jour de plein fouet le matin, et de ne pas se coucher immédiatement en rentrant, de dormir dans une pièce isolée du bruit et de la lumière, et surtout de préserver sa vie sociale en organisant des petits-déj entre amis de temps en temps, par exemple. Et pour les personnes qui font les 3-8, ben c'est bien sûr encore plus difficile. Il n'est pas rare que les médecins leur prescrivent des somnifères. Alors maintenant qu'on a vu les différents problèmes, on peut se demander comment remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on a pu établir pas mal de liens entre ces dérèglements de l'horloge interne et des pathologies graves comme des cancers, des problèmes de métabolisme, des problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, tout récemment, une équipe de chercheurs de l'école de médecine de Washington et de l'université de Pennsylvanie a trouvé un modèle d'explication de troubles neurodégénératifs, donc type Alzheimer, causés par des dérèglements de l'horloge circadienne. Donc c'est clair, quoi. Perturber ces rythmes est sans doute beaucoup plus dangereux qu'il ne semblerait au premier abord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, quand on cherche à se renseigner, on trouve bien sûr quelques mythes sur l'Internet mondial. Il y a des pastilles homéopathiques no jet lag, par exemple. On trouve aussi des recommandations d'heures de coucher. Il y a la fameuse histoire des heures avant minuit qui compterait double. Je vous la fais courte, c'est une intox. Je pense que c'est probablement encore un truc des parents pour se débarrasser des enfants à l'heure de faire la petite sœur ou le petit frère. Mais dans l'ensemble, le conseil qui revient le plus souvent, de la part de sites sérieux ou pas, c'est la prise de mélatonine au moment du coucher. Alors, comme dit, les spécialistes sont plutôt partagé sur la question. Bora Zivkovic recommande même de ne pas en prendre du tout, sans trop expliquer pourquoi. En vrac, de ce que j'ai compris, c'est d'abord que la mélatonine dite naturelle sort tout droit de cerveau de bovin. Bon appétit. Le cas échéant, il est recommandé de lui préférer la mélatonine de synthèse. Ensuite, les suppléments alimentaires, parce que c'est en général sous cette forme-là qu'on trouve la mélatonine, ne subissent pas les mêmes batteries de tests que les médicaments avant leur mise sur le marché. Donc non seulement les effets secondaires ne sont pas étudiés systématiquement, mais en plus on ne sait même pas toujours quels additifs sont présents dans les comprimés. La mélatonine est une hormone. Elle peut interagir avec les anticoagulants, les médicaments contre le diabète et l'équilibre hormonal en général. Et en raison de ses propriétés antioxydantes, on la soupçonne aussi d'interférer avec les traitements anticancéreux. Et finalement, elle affaiblirait encore les défenses des personnes qui souffrent déjà de troubles du système immunitaire. Alors, Bora ne recommande pas la mélatonine, mais il ne recommande pas l'alcool non plus. On s'endort vite, mais on dort mal et on se réveille fatigué. Il recommande également d'éviter les boissons caféinées dès 2 à 3 heures avant d'aller au lit, et de préférer un verre de lait, par exemple, et de changer ses habitudes, d'éviter les écrans 2 à 3 heures avant de se coucher, de préférer un bouquin, de baisser les lumières progressivement dans la soirée, d'essayer de créer les conditions d'obscurité et de silence total au moment d'aller au lit. Et puis, si jamais on n'arrive pas à dormir, ben, ne surtout pas allumer les écrans ou manger, mais juste lire tranquillement avec une lumière tamisée. Puis après, évidemment, il y a toutes les autres techniques qu'on a vues qui peuvent s'appliquer aussi pour les cas les plus sévères, notamment la luminothérapie. Est-ce que tout ça a d'autres applications en médecine ? Bah, je voulais juste dire un mot du concept de chronothérapie, ou de chronochimiothérapie. J'avoue que j'ai pas eu le temps de creuser comme je le fais d'habitude, ni de chercher des chiffres, mais bon, ça a quand même l'air assez sérieux. Ça vient de l'INSERM, plus spécifiquement de l'unité de recherche rythme biologique et cancer, qui est le seul labo de recherche en chronothérapie de France qui s'intéresse aussi au cancer. L'idée est la suivante, chaque cellule de notre corps est soumise à un rythme circadien. Il y a des moments dans la journée où les cellules peuvent mieux encaisser le choc des traitements anti-cancers. Et le rythme, l'horloge n'est pas forcément la même que pour les cellules cancéreuses, qui elles sont moins sensibles à ces rythmes. En administrant les chimiothérapies pile au moment où les cellules saines peuvent mieux les encaisser, on augmenterait l'efficacité des traitements de manière spectaculaire. J'essaye de vérifier tout ça dès que je peux, c'est promis. Mais enfin, ça semble faire sens quand même. Pierre, t'es plutôt... Tu la sens bien, toi. Oui, comme tu avais dit, quand on regardait la structure temporelle des humains, on voyait qu'il y avait des acrophases différentes. Donc l'acrophase, c'est le pic d'activité. Et le pic d'activité des mitoses se trouve vraiment dans la nuit. Et donc est d'une certaine manière synchronisé à l'échelle de l'organisme en entier. Or, généralement, ce qui se passe pour les tumeurs, les cellules cancéreuses, c'est que d'une certaine manière, il y a un détachement de la tumeur du reste de l'organisme et donc très probablement aussi d'une perturbation du rythme circadien, justement pour pouvoir se diviser beaucoup plus rapidement. Mmh. Et de fait, s'il y a une différence, à chaque fois qu'on trouve des différences entre les cellules tumorales et les cellules normales, d'une certaine manière, bah, c'est un angle d'attaque pour pouvoir mieux traiter la tumeur. Donc, affaire à suivre, moi j'essaie de vérifier tout ça dès que je peux, promis, et puis d'en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que ça semble être une piste vachement intéressante. Et puis enfin, pour conclure ce petit dossier, bah, je voulais juste encore préciser qu'il n'y a pas que les rythmes circadiens dans la vie. La chronobiologie, chez l'humain, s'intéresse à toutes sortes de rythmes. Il y a les rythmes infradiens, c'est-à-dire plus longs qu'une journée. Alors dans la nature, ça concerne par exemple les migrations annuelles de certains oiseaux. Chez l'être humain, enfin chez les femmes, ça concerne le cycle menstruel, par exemple. On a aussi les rythmes ultradiens. Donc là, c'est le contraire, c'est ceux qui font moins de 24 heures, comme le cycle de sommeil REM, qu'on appelle aussi le sommeil paradoxal, qui dure environ 90 minutes, ou les 4 heures du cycle nasal, soit la trop peu connue congestion-décongestion partielle des cavités nasales en alternance chez l'humain, ou encore les 3 à 4 heures du cycle de l'hormone de croissance. On a les rythmes lunaires aussi, on pensait être assez peu concerné jusqu'à récemment, mais une première étude qui a fait pas mal de bruit l'été dernier semble indiquer que si, en fait, on serait quand même malgré tout sensible à cette horloge-là. Et voilà donc pour les différents rythmes qu'on étudie. Alors pour ma part, je savais depuis un moment que le carbone dont nous sommes composés, constitués en grande partie, c'est un élément indispensable à la vie, a été fabriqué au cœur des étoiles. Ben, en préparant ce petit dossier, je me suis rendu compte à quel point nous sommes aussi connectés à notre bonne vieille Terre, à ses rythmes naturels, jusqu'au plus profond de chacune de nos cellules. La rotation de la Terre en 24 heures, pourtant, n'est pas une constante. On estime que les premiers dinosaures connaissaient des journées de 21 heures, et les derniers dinosaures des journées de 23 heures environ. Les journées ont tendance à se rallonger. Cette différence est due à l'éloignement progressif de la Lune, dont la proximité ralentit la rotation de la Terre. Encore quelques paquets de millions d'années et nos descendants connaîtront peut-être 28 heures. Bon, je suis quand même sûr que les plus hyperactifs d'entre eux n'auront toujours pas le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire en une journée. Une chose est sûre, ces rythmes biologiques sont constitutifs de notre nature même d'être vivant et ce ne serait pas un luxe de commencer à en tenir compte dans notre organisation sociale. On l'avait vu l'année dernière dans notre dossier sur la sieste, de plus en plus d'entreprises commencent enfin à considérer leurs employés comme des mammifères et pas juste comme des outils de production et leur permettent de piquer un petit roupillon quand leur capacité de se concentrer se noie dans le brouillard de leur sécrétion de mélatonine. Alors peut-être qu'un jour, plus globalement, on organisera les horaires des équipes en fonction de ce genre de critères, où les programmes scolaires pourront être calés sur les pics de performance naturels des enfants, ou peut-être les communautés s'organiseront-elles par fuseau horaire, permettant aux couches tôt d'un lieu de communiquer avec les couches tard d'un autre. On peut rêver, tout est ouvert, mais chaque chose en son temps, chacun a son rythme. Tu as eu un certain nombre de questions dans la chatroom, dont okay. Certaines auxquelles tu as répondu pendant le dossier, en fait. Il y avait Pete qui t'avait demandé, si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr que ce soit Pete, en fait, des produits type somnifères facilitent-ils le refasage, info ou intox? Alors, t'en as parlé un peu plus loin. Tu as dit que dans certains cas, on prescrivait des somnifères, je crois. Ouais, effectivement. C'est ce que les médecins du sommeil prescrivent aux personnes qui n'arrivent pas à se refaser, notamment quand elles bossent selon le modèle des 3-8. Autrement, je crois que ce n'est pas tellement recommandé, les somnifères, en fait. Quand tu parlais des aveugles qui souffrent du syndrome hyper-nictéméral, c'est ça ? Hyper-nictéméral. Hyper-nictéméral, désolé. Il y avait Lily Sandpitch qui te demandait est-ce que ça concerne les aveugles de naissance et les aveugles par accident ? Est-ce que ça concerne seulement les aveugles de naissance, en gros ? Non, pas forcément. Ça concerne une certaine typologie d'aveugles. Je ne saurais pas dire laquelle, mais enfin, grosso modo, c'est 10% des personnes que la cécité soit acquise ou qu'elle a existé depuis toujours. En fait, c'est simplement une question de récepteurs de signaux lumineux. Okay. T'as Pete un peu plus tard qui a demandé, ça s'adressait plus à la chatroom, mais t'auras peut-être une remarque dessus. Quand j'étais lycéen, on avait une appli simplissime qui permettait de calculer, entre de multiples guillemets, son cycle circadien et autres cycles. Ça parle à quelqu'un, vous sauriez où trouver ça? Ouh, alors attention, ça c'était les applications de biorhythme. Ouais, faut faire gaffe, ouais. Il y avait tout un pan... je sais pas si c'était parapsychologique, mais en tout cas parascientifique, c'est sûr, de biorhythme. À partir du moment où on commence à parler de rythme circadien, il y a des gens sans aucune preuve arrivaient à te calculer un peu comme en astrologie tes rythmes qu'il fallait que c'est un peu du feng shui temporel, quoi. Mais c'est pas très sérieux, je pense. Ouais, je pense pas non plus, effectivement. Alors après, je pense que d'après la conversation qui s'est poursuivie sur la chatroom, je pense qu'il faisait aussi référence aux applis qui permettent, grosso modo, de mesurer plus ou moins approximativement tes cycles de sommeil, ce qui marche plus ou moins, grosso modo. En tout cas, à l'heure actuelle sur téléphone, grosso modo, ça capte, ça se base sur le fait qu'il y a certaines phases du sommeil où tu bouges plus ou moins, ça capte plus ou moins tes mouvements et ça mesure approximativement ces cycles-là. Mais je ne sais pas si c'est inclus dans les cycles circadiens, en fait. Les cycles du sommeil. Oui, c'est inclus dans les cycles circadiens. Ouais. Ok. Alors la question suivante, justement, c'était Pete qui demandait s'il y a un rapport entre les rêves lucides et les cycles circadiens. Ça, c'est plutôt une question pour toi, du coup. Ouais. Bah, dans la mesure où ça se passe peu dans les phases REM, enfin c'est-à-dire peu dans les phases où on rêve, et qu'on ne rêve que peu dans certaines phases du sommeil, et que les phases du sommeil sont incluses dans les phases dans les cycles circadiens, comme tu viens de me le dire, oui. Ok, réponse très claire. Et puis par rapport à cette histoire de biorhythme... La réponse la plus concise du monde. Exactement. Oui. Donc LGG qui nous dit, pour calculer son rythme circadien, c'est très simple, il faut ajouter les chiffres de sa date de naissance et les multiplier par le nombre de lettres de son signe astrologique. Voilà, je crois que ça résume assez bien ces histoires de biorhythme. Et t'avais Yves qui terminait en disant, et les relations sexuelles, un rythme ou pas, faut vraiment que j'aille me coucher. Ouais, je ne sais pas dans quel sens il fallait interpréter ce faut vraiment que j'aille me coucher, du coup. Mais... Il y a des périodes de reproduction quand même, en tout cas pour les animaux, je ne sais pas si les humains, mais c'est connu, quoi. Tu ne baisses pas quand tu veux, quoi. Ouais. Qui se cale un peu sur le rythme des saisons, non, entre autres. Pas seulement, parfois ça peut être pas nécessairement un rythme saisonnier, enfin. Tu peux trouver ça sur des rythmes de reproduction en équateur et tout ça, enfin, c'est un peu... Ça dépend de plusieurs facteurs. Ok. Bah, c'était tout, niveau questions. Ok, formidable. Du coup, on va enchaîner avec le pitch. Donc, la semaine prochaine, c'est notre auditeur David Loureiro qui va nous présenter un dossier. Exactement. Alors, voilà son pitch. Il nous dit, que se passe-t-il pour un avion quand il passe le mur du sang ? Quel sera le temps ce week-end ? comment se sont formées les galaxies. Autant de questions pour lesquelles les physiciens, les mécaniciens, les météorologues, etc. ont mis en place des modèles pour décrire les phénomènes en jeu et trouver les réponses. Mais une fois ces modèles obtenus, l'obtention de solutions qui nous servent à comprendre et prédire ces phénomènes peut s'avérer difficile, voire impossible, au moment de l'expérimentation. C'est là où la simulation numérique, informatique, entre en jeu. À travers des exemples, nous verrons comment l'expérimentation est parfois limitée et comment la simulation peut venir à la rescousse pour aider à résoudre les grandes questions de notre temps sans pour autant devenir la réponse ultime. Donc ce sera la semaine prochaine, le jeudi 12 décembre, ça nous fait pour l'épisode 155. Alors attention, ce sera à 21h cette fois et pas 20h30. David Loureiro, donc, qui va nous présenter le dossier, rentrera de voyage ventre à terre. On espère qu'il arrivera à l'heure. Enfin, on verra bien, c'est les aléas. Il aura un jet lag. Ah, peut-être que, je crois qu'il revient du Luxembourg, en fait. Ah, bon, ça devrait. Il ne va pas être trop jet lagué. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il n'y a pas de jet lag quand tu fais de trajet nord-sud. Non, je ne l'ai pas dit. Mais ça, enfin, aussi, j'ai parlé des fuseaux horaires. C'est vrai qu'il y a pas, tu ne traverses pas de fuseaux horaires quand tu, quand tu voyages nord-sud. Mais il y a des gens qui pouvaient penser que tu vas leur passer parce que tout simplement, tu fais un voyage fatigant, tu vas te déphaser. Mais en fait, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jet lag dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Il faut partir soit à l'ouest, soit à l'est. Ok. Pardon. Truc intéressant parce que moi, je suis allé en Islande et je pensais être beaucoup plus perturbé par la durée des journées qui changeait, quoi. Enfin, la durée de lumière qui changeait. Voilà, c'était pour le commentaire utile. ça t'a pas perturbé? T'as fait un dessin? Pas outre mesure, en fait. C'est-à-dire, en effet, pour dormir, bah, oui, je mettais des rideaux pour que ça fasse nuit, quoi. Parce que tu y étais en été, donc. J'y étais en été, donc j'y étais le moment où il fait quasiment pas nuit. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'hiver en Irlande, alors que la différence n'est pas si énorme que ça avec la France, ça me gêne. Après, je sais peut-être. Mais je pense que l'hiver, c'est très différent, parce que là, au moins, j'avais le soleil, quoi. C'est juste que du coup, je pouvais l'enlever, le soleil, alors que l'hiver, c'est plus compliqué à faire. Faut pas oublier aussi tous les Zeitgeber en dehors de la lumière. Il y a aussi le moment où tu prends ton repas, il y a aussi tes interactions sociales, etc. Et par contre, voilà, au niveau des effets, c'est que j'étais beaucoup moins fatigué aux heures où j'étais fatigué en France, quoi. Tu te retrouvais à être en train de te balader, tu fais « Ah merde, il est déjà 22, 23 heures, tu t'aurais été même pas rendu compte, tu croyais qu'il était 18 heures parce que tu avais la lumière du soleil sous la tête, quoi. » Ouais, non, je comprends. Ouais, bah ça c'est un des aspects que j'ai pas couvert dans mon dossier. En fait, je m'en rends compte après coup. C'est ce qu'on appelle le SAD, le Seasonal Affective Disorder. C'est ce qu'on appelle aussi la dépression saisonnière. Ce que je fais chaque année, moi, en fait. Ouais, mais je crois qu'on est plus ou moins tous concernés. Et puis, ce qui m'a fait tilt, c'est ce que disait David à propos de l'Irlande, où le ciel est plus facilement gris qu'en France, et puis c'est un peu plus au nord, du coup la nuit tombe encore un peu plus vite en hiver. Je pense que dans les pays du nord, c'est un vrai problème. Ouais, ben là, enfin, moi, comme je vois où en fait, quand ils disent il fait très peu nuit en Islande, en fait, il fait crépuscule 3 heures, quoi. Donc j'imagine en hiver où il fait crépuscule, il fait lever du soleil 3 heures et puis il refait nuit pendant 21 heures, quoi. Ouais, ben c'est ça doit être assez extrême, quoi. Ça a clairement un impact. On a beaucoup plus d'énergie quand il y a du soleil, quoi. Ok, on enchaîne avec la quote. Pierre a dû faire son boulot, quoi. Bah oui, mais Pierre est exceptionnel, bien sûr qu'il a fait son boulot. C'est pas exceptionnel, je suis juste sérieux et rigoureux. Bah c'est exceptionnel. c'est contexte dépendant, en fait. Mais en fait, elle est pourrie, cette quote. Mais bon, c'est pas grave. Elle est en anglais, c'est ça, donc. Donc Nicolas, je compte sur toi pour la traduire. Bien sûr, sans aucun problème. C'est parler anglais où j'ai des problèmes. La traduire, il n'y a aucun problème. Ah d'accord. Okay. Alors, Even a stopped clock is right twice a day, de Marie von Ebner-Eschenbach. Même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. Et en fait, moi je dirais même plus, je dirais que seule une horloge arrêtée est à l'heure au moins deux fois par jour. Quoi. Parce que la plupart des horloges ne sont jamais à l'heure. Pas faux. Ah, pas faux. J'avais même pas pensé comme ça. Moi je la trouve pas si pourrie ta quote, elle est vachement bien. Je me demande si c'est pas une blague ou quoi de dire que le meilleur moyen de mettre une montre à l'heure, c'est de l'arrêter, parce qu'au moins t'es sûr qu'elle sera à l'heure deux fois dans la journée, quoi. Et mon père me racontait que mon père il a vécu en Russie lors de l'URSS, et il y avait une blague qui assez récurrente où il disait que les montres soviétiques, c'était les seuls qui allaient le plus vite que toutes les autres montres. C'était une fierté du parti. Mais moi, j'avais vu aussi un truc, je voulais me l'acheter, mais je ne sais plus où il vendait, la montre du procrastinateur. C'était un truc, une montre atroce, où là, sur une heure, tu avais les 50 minutes qui passaient hyper lentement et les 10 dernières minutes qui passaient à fond ou un truc comme ça. Tu sais, quand tu as une deadline. Bah ouais, ouais. Voilà. Ça ressemble un peu. Je suis sûr que mon horloge interne doit fonctionner un peu comme ça, en fait. Ok, on va vite revenir sur le quiz de la semaine dernière. Alors, très rapide, hein. On ne va pas entrer dans le détail, mais il y avait juste deux, trois petites choses à dire. Eh bien, la première, c'était on s'est fait rappeler à l'ordre par Alexis, un auditeur nageur-sauveteur de formation scientifique, qui précise que les crampes, même si elles n'ont rien à voir avec l'heure du repas, sont effectivement très dangereuses. Une personne victime d'une crampe dans l'eau est en danger de mort. C'est un risque à prendre très au sérieux, donc. Alors on prendra connaissance de tous ces arguments dans le prochain épisode de Freestyle, mais on voulait juste indiquer qu'effectivement, j'ai été un peu light sur les crampes. Il suffit sans doute pas juste de ne pas paniquer, c'est un truc à prendre très au sérieux. Sinon, on avait une deuxième chose à dire, David ? Oui, le message au format route, point route de Maxence est enfin décodé grâce à notre ami Yves, notre spécialiste du nucléaire. Les informations du podcast en prennent pour leur grade. Le message disait donc, s'il est dangereux de se baigner, il y aurait beaucoup de problèmes à la plage et ça se saurait. S'il était dangereux de se baigner, il y aurait beaucoup de problèmes à la plage et ça se saurait. C'est de l'intox. Le seul danger, c'est de se baigner 2 heures sans respirer. Voilà, enfin... C'est pas faux. Le nouveau quiz connaît un très joli succès, on reçoit plein de contributions dans tous les formats, c'est super. Et donc vous pouvez encore participer. Pour rappel, il s'agit d'une question proposée par notre ami Xavier Durussel qui disait « Les singes ne savent pas nager, info ou intox ?» Alors cette fois, le niveau des contributions est tel que je sais déjà que j'aurai pas besoin de me fendre d'une réponse officielle, c'est le luxe absolu. On présentera toutes les réponses qu'on aura pu décoder dans notre prochaine émission Freestyle le 26 décembre prochain, si tout va bien. Là, c'est l'heure des plugs. Alors on va commencer par un plug pour Saft, donc pour toi Pierre. Ouais, c'est pour ça que je me suis tapé un dossier d'une heure, hein. faut pas être dupe. Hein. c'est évident, ouais. Donc tu... Oui, donc je vais faire, j'aime pas trop ça, mais je vais vraiment, vraiment faire de la pub pour un projet que j'ai initié et pour peut-être la première fois de ma vie, je demande de l'argent pour financer quelque chose en plus de très très égoïste, mais qui va devenir quelque chose d'incroyable. En gros, Saft, mon blog, a eu plusieurs problèmes. J'ai eu un problème d'hébergement qui fait que c'est complètement disparu, tout ça. Je pense qu'on peut citer l'hoster pour lui faire de la mauvaise pub. Donc sans problème, l'autre eu des problèmes avec Maven Hosting. Ouais, voilà, il faut oublier Maven Hosting. C'est bon, voilà, en gros, j'ai eu ce problème-là et du coup, j'ai remis mon blog en place et je me suis aperçu qu'il était très moche. Et du coup, le fait que on approche de la date anniversaire du blog, ça va faire 5 ans, bah c'est l'occasion rêvée pour refaire un ravalage de façade. Et pour ce ravalage de façade, j'ai contacté un designer, quelqu'un qui fait des animations en flash assez génialissime, qui s'appelle David Beignet. Et qui a son blog qui s'appelle Dave Donuts, une bannière mais juste hilarante avec une sorte de, enfin des donuts qui chantent, un croissant qui chante, un kiwi qui dit qu'il n'est pas une couille, enfin bon, un truc qui m'a fait mourir de rire pendant peut-être une heure entière. Et je l'ai contacté et il est d'accord pour pouvoir travailler pour réaliser une nouvelle bannière pour Saft. Mais bien sûr, ce genre de travail nécessite rémunération et c'est une rémunération que je mets à contribution, à participation. Et du coup, plus vous serez nombreux à participer, plus je pourrai avoir cette belle bannière. De chance d'avoir cette belle bannière. Crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang donc. Exact, ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut t'aider à avoir cette bannière ? Donc, allez sur Saft, il y aura le lien de toute façon pour cette collecte de Kiss Kiss Bang Bang. Vous pouvez participer, il y a des contreparties intéressantes, je peux vous écrire des articles, je vous envoie des badges, je vous fais une visite guidée de la Grande Galerie de l'Évolution de mon laboratoire. Vous pouvez choisir les bestioles qui vont être représentées sur la bannière, vous pouvez être enregistré pour avoir votre propre voix sur ma bannière, ça c'est pas la classe. Et le but c'est d'atteindre 1 500 €, 1 400 € pour rémunérer le designer et 100 € pour la contribution de Qu'est-ce qui se manque. Et bien sûr, on peut aller au-dessus. Et plus il y aura d'argent, plus il y aura d'animation, plus il y aura un look génial de Saft et donner l'écrin que ce blog mérite parce que c'est vrai qu'il est quand même très, très, très dégueulasse. Voilà. Bah, dégueulasse, il a sauf le fond d'écran qui est magnifique. Parce que c'est cher. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est la seule partie qui fait des maths, alors bon. Voilà, j'en laisserai un bout. C'est vrai que j'ai jamais fait de dossier sur les maths. Tu sais que j'en ai un paquet de pavages comme ça en 3D chez moi. Des pliages à faire. Bah écoute. Bref. Voilà, donc j'ai honte, mais donnez-moi des sous. Enfin, donnez des sous à David Beignet. Ouais, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Au contraire, si tu gagnes plus de sous que ce que tu as demandé, tu changes d'hébergeur ? Ah non, je change d'hébergeur quoi qu'il arrive. D'accord. De toute façon, je change d'hébergeur. Le truc, c'est que la qualité de l'hébergement va varier en fonction aussi de la collecte. En effet, si on dépasse les 1 500 €, ça permettra aussi d'alimenter un bon service d'hébergement. Ok. Je crois qu'il y a encore un truc qu'il faut dire, c'est qu'au moment où on parle, on est le 5 décembre, c'est une campagne sur 30 jours qui a démarré hier. Donc, il faut faire vite, en fait. Ouais, c'est 29 jours. Généralement, en gros, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, bien sûr, c'est de participer, mais aussi d'en parler le plus possible et d'obtenir très, très rapidement cette somme et d'obtenir juste la bannière la plus funky du monde. Exactement. On va aller relayer ça sur les réseaux sociaux, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Bah, j'ai déjà vu qu'Alan l'a fait et Alan a contribué aussi. Je me sens tout ému. Oh. Mais ça, c'est un message valable pour l'ensemble de nos auditeurs. Si vous avez des sous, alors cette campagne-là, il faut la soutenir. Et puis si vous n'avez pas de sous, vous forwardez, vous faites circuler auprès des gens qui ont des sous. Mais alors franchement, celle-là, on veut la voir atteindre ses objectifs en moins de 30 jours et au-delà. Yes. Sinon, je voulais vite faire un petit plug aussi à Draw Me Why. La dernière vidéo Doodle en date est en fait une adaptation de mon billet sur le poids de l'âme. Je trouve ça super réussi. Encore merci et bravo à Alexis Mandre, du blog Homo Fabulus pour son boulot de ouf. Et tu t'es enregistré pour faire cette vidéo ? Tu t'es réenregistré pour faire cette vidéo ? Parce qu'à la fin, on t'entend dire « suivez YouTube ». Ouais, ah ouais, c'est cool. Oui, donc lui, il a fait l'adaptation en fait. Il a récupéré la substantifique moelle du message où il y avait bien entendu beaucoup de digressions dans mon dossier original. Donc là, ça c'est juste l'essentiel et puis ça colle parfaitement aux images. Il a aussi fait un synopsis et tout. Et puis une personne a dessiné. Je sais pas qui a fait les dessins en fait. Mais du coup, ça donne un résultat tellement efficace, ça dure genre 3 minutes et puis c'est straight to the point. C'est pas Alexis qui a fait les non, dessins. Ah non, il n'a pas fait lui, les dessins. Il a fait appel à une dessinatrice, je crois, nous a-t-il dit, mais je pense pas qu'il nous ait précisé son nom. Ah ok. Ouais, absolument, il nous a dit que c'était une dessinatrice, ouais. Mais bon, on se renseignera pour savoir qui c'était. Ah, donc c'était pas quelqu'un du collectif Strip Science apparemment, autrement tu serais au courant j'imagine, Pierre. Ah non, tout me passe sous le nez de toute façon et j'en suis ravi. Strip Science c'est une communauté, c'est un collectif et du coup s'il y a des trucs qui se font, je suis pas au courant, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment bien que justement les collaborations se font naturellement sans qu'il y ait besoin de chapeautage. Donc ça se trouve ça s'est fait comme ça sans que je le sache. Ok, bon, bah c'était une transition toute trouvée pour mon troisième petit plug qui était justement pour ton bébé, Strip Science. Tu nous rappelles en deux mots de quoi il s'agit ? Strip Science, c'est un collectif d'illustrateurs et de blogueurs scientifiques qui aiment à parler de science et qui veulent d'une part montrer pour ceux qui sont artistes les BD, leurs blogs BD, leurs œuvres qui parlent de science et pour les blogueurs scientifiques avoir l'opportunité de réaliser des collaborations avec des illustrateurs et de ça que soit généré énormément de créativité. Et voilà quoi, là récemment je suis assez content parce que je réabrite des petites illustrations de Gérard Mathieu qui est, je sais pas si vous avez vu, vous avez lu L'étudiant ou le journal de Mickey, etc. Il a un style que j'adore. Il parle de science avec une légèreté. Enfin, c'est juste génial. Et donc, il a une exposition qui se déroule au comptoir du dessin jusqu'au 25 décembre, je crois, à Paris, et qui doit être exceptionnelle. Et du coup, on va se faire une petite beuverie entre strip scienteux là-bas. Voilà. Merveilleux. Et puis, tant qu'à faire, comme on est dans les plugs, et puis puisqu'on a son vice-président sous la main, un petit plug pour le Café des Sciences, et bien sûr pour tous les blogs membres du Café des Sciences. Ouais. Là, on est en train de faire quelque chose d'assez admirable. On prépare une et on a demandé à tout le monde de regarder les statistiques pour pouvoir justement faire les bilans du fonctionnement du Café des Sciences. Et non seulement le Café des Sciences, ça marche extrêmement bien pour promouvoir ces blogs, mais en plus, juste la dynamique qu'il y a dans cette communauté, c'est complètement incroyable. Les gens s'autocitent, il y a des flux qui se font entre blogs parce que les gens se citent. Il y a Guillaume Frasca qui parle du Café des Sciences alors qu'il est interviewé sur le MOVE parce qu'il a gagné les Golden Blog Awards. Moi, je trouve ça, enfin, c'est assez admirable. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une communauté juste extraordinaire. Ok, on va conclure. Eh bien, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux de Noël. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, sur Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'internet mondial. Vous retrouvez également Pierre Kerner sur saft.com, sur Facebook. T'as une page qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, c'est juste. Mm-hmm. Sur Twitter, tu t'appelles Pierre Kerner. C'est mon nom aussi. Voilà, tout collé. Et puis surtout en ce moment, donc on l'a dit, sur Kiss Kiss Bank Bank, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, mais enfin c'est très facile à trouver. Hein. Si vous allez sur le site, vous tapez juste Saft dans le moteur de recherche et la campagne sort tout de suite. Et sur le blog, de toute façon, il y a un lien pour cette campagne. Exactement. Donc vous avez enfin une possibilité d'apporter votre petite contribution, votre pierre à ce magnifique édifice qu'est Saft, sans lequel on ne connaîtrait pas la moitié des strangeries et funkeries de ce monde merveilleux. Alors hop, le temps passe vite, ce qui est fait n'est plus à faire. Et je ne sais même pas pourquoi vous nous écoutez encore, là vous devriez déjà être en train de choisir le montant. Allez, merci à nos auditeurs chéris, merci à Pierre, merci à toute l'équipe, mention spéciale à Nico qui s'est tapé les deux derniers montages, et à Julie pour son formidable boulot de l'ombre. Sans eux, il m'aurait été absolument impossible de pondre mon dossier pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 12 décembre à 21h, oui, petit changement d'horaire donc, sur live.podcastscience.fm avec notre auditeur David Loureiro qui nous parlera de modélisation et de simulation. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Bon, j'avoue, la bannière Donut, j'y ai passé aussi une bonne demi-heure dessus pour voir tous les trucs. Ah, ben c'est juste génial ce truc. Elle est complètement dingue, quoi. Moi, j'adore. Mais parmi mes préférés, donc, il y a le kiwi. Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. moi, il y a le. Je sais plus, c'est la. Oui, c'est la cuillère qui dit elle l'a fait. Ma, il va te tuer, il va te briser le crâne en mille morceaux, te transformer en calzone. Ne pas ma moustache. C'est clair. Et puis à un moment, tu survoles le pot à miel et t'as une abeille qui sait. Vous ne mourrez jamais. Et en tout cas, le mec, c'est une crème quoi. Enfin, il est adorable. Et aussi, le fruit qui est enfermé dans le bocal. Ah oui, c'est une fraise là. Aidez-moi, je suis encore vivant. Et ça doit lui prendre en fait un temps complètement délirant, du coup, parce que 1400 euros, si en plus c'est une crème, c'est que ça doit lui prendre un temps de dingue en effet, quoi. Bah, il fait 4 jours. 4 jours de boulot non-stop. Ouais. Et alors, il m'a dit que ça allait passer à 5, quoi. Salut, c'est Monsieur Sucre. Salut, c'est Monsieur Sucre. Ouais, et donc il y aura la voix d'Alan, déjà, on sait. Ouais, j'ai vu. Et alors moi, j'ai écouté cet épisode freestyle et j'ai été surpris que vous trouviez bizarre qu'on puisse avoir des crampes d'estomac. Ouais. Et pourquoi? Je me souviens pas qu'on trouvait bizarre qu'on... Alan, je me souviens qu'il avait dit qu'il trouvait que c'était bizarre d'avoir des crampes d'estomac. Exactement, j'ai dit que c'était comme une surdité de la paupière. Ou... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh. Ah. Mais en fait, c'est un organe qui brasse énormément en fait, l'estomac et tu peux faire des crampes. T'en as déjà fait, toi? Mais je pense que c'est tout à fait possible. En fait, c'est un organe qui a des mouvements... je crois qu'on est du péristaltique ou je sais pas quoi, mais si ces mouvements sont coincés, ça peut être dangereux, voire dangereux, douloureux, voire dangereux. Ouais, mais enfin, ces mouvements ne sont jamais coincés, justement. Bah, pourquoi pas? Je me demande si ma grand-mère avait pas ça, en fait, mais... Généralement, toute fonction biologique, tu peux l'arrêter. Ça, c'est un truc que les physiologistes adorent faire. Donc, le corps le fait très bien aussi. Tu vois, par exemple, tu peux faire une crampe du cœur et ça s'appelle un infarctus du myocarde. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais il y a des personnes qui ont des problèmes assez douloureux à l'estomac qui les empêchent de digérer, en fait. Ma grand-mère avait ça. Alors, je ne sais pas si c'est des crampes ou tout à fait autre chose, mais dans ce qu'elle décrivait, ça aurait pu être ça. Bon, bref, mais moi aussi, je réagis là sans regarder les infos. Donc, ça se trouve, on pourra mettre en faux et me dire qu'il n'y a pas de crampe d'estomac. Mais ça me paraît très, très bizarre parce qu'il y a quand même des gros, gros mouvements qui sont faits par l'estomac. Et du coup, généralement, ces fonctions motrices peuvent tout à fait être perturbées et entraîner des problèmes. A priori, bon, on verra, ça a l'air d'exister. Hein. on creusera encore. On aura une réponse plus complète, un vrai compte-rendu sur cette histoire dans le prochain freestyle. J'aime bien. Une pensée pour celui qui devra monter l'épisode, encore une fois. J'ai interdit à Alan de monter des épisodes jusqu'à 2014. Lily Sampiche demande quel âge on a. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend pour qui? Ouais. Moi j'ai 30 ans. Et mon tube, t'as quel âge? Will, je ne sais pas. Quoi? T'as quel âge? Merde. C'est un petit jeune. Putain, je sais plus, 29 ans, je crois. C'est pourquoi? Vrai? T'es sûr? Bah oui, je les ai eus il y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on nous pose la question à la chatroom. Moi, j'ai l'âge le plus cool de l'univers, c'est la réponse à la grande question. Moi, j'ai l'âge, justement, on en parlait, d'Alexandre le Grand quand il est mort. Mais il demande l'âge de tout le monde dans la chatroom, là? Ouais, bah, tu vois, on papote, quoi, en attendant que les chroniqueurs décrochent. On passe le temps comme on peut. Je suis en train de finir un dessin avec un jeu de mots. Je crois qu'il est dans mon top 10 des jeux de mots les plus pourris. Very well. Très bien, ton circadien. Je te jure, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un peuple extraterrestre. Ah non, mais parce qu'il y a un peuple qui s'appelait les Arcadiens et...